ça. Inès, mais c'est pas la saison. T'as vu dehors, Inès. Ça, c'est bien Noël quand Inès. J'adore. C'est un peu nul comme blague, non? Eh, je t'emmerde. D'accord, c'est la fin de l'émission, je fais ce que je t'emmerde. Ok, ok. Inès? Oui. Faut qu'on fasse vite, on va être en retard. Est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle? Est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle? J'imagine, pour le double hit, me dis pas que j'ai gagné. T'aurais gagné quoi? Un iPhone 7 et FIFA 2017? 2017. Ah, si, c'est bien. Oui, ma chérie, tu as gagné l'iPhone 7 et le FIFA 2128. On te l'envoie chez toi à la maison. Tu pourras offrir à ton mec, je pense. Parce bisous, que moi... ma chérie, je t'embrasse fort. Merci beaucoup, merci, merci, merci, vous allez où? Coé, 19h, 22h, sur Énergie. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a step? Avec le public, là, on est en extérieur. Nous sommes devant les locaux d'énergie. Bonjour. Pour ce. Te mets pas devant la lumière, enfin, caméraman en carton. Voilà, tu fais de l'ombre. Nous voici donc pour ce Hat Challenge. Donc, le Hat Challenge pour le faire chez vous à la maison. Il y a un décor, vous avez fait venir la benne juste pour le décor. Ouais, ouais, parce qu'on pousse des trucs de chantier jusqu'au bout. Une pelle, un casque. On tape sur la pelle, non, le casque doit voler et schlac, on doit le mettre. Ouais, sauf que t'as vu les vidéos un peu. Et t'as fait un essai ou pas? La plupart du temps, en fait, ils volent pas et t'arrivent dans la gueule. Nous allons donc commencer par Pietre. Même s'il arrive sur la tête, il est pas à l'endroit en général. Attention, nous filmons cette performance. Une caméra va filmer, vous verrez tout sur notre chaîne YouTube. Ah, je me mets derrière. Le casque, aussi tu peux le garder. Hein? Ah, on va faire un petit boomerang, ouais, c'est mignon. Attends, vas-y, mon Pietre. Vas-y, Pietro. Allez, vas-y, mon Pietro. 3, 2, 1. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, pas mal. Ah, ah, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah Pietre. Ouais. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Pour un premier essai, il s'est Guéguette, pas entraîné. Guéguette, à toi. Moi, je suis incapable de faire ça, les gars. Allez, Guéguette, t'essaieras de me faire un petit boomerang. Où il est? Voilà. Guéguette, à toi. C'est mieux de là, t'as raison. Bon, faut y aller direct. Hein. Allez, direct. Te pose pas de questions. 3. Allez, vous avez peut-être pris une pelle trop grande. Ouais, ça fait non, peur. C'est, 3, c'est, 2, c'est, 1, go. Ah, il a pris la pelle dans les couilles, je crois. je crois que c'est pas bien. Faire ça, les gars. Allez, on enchaîne, on remet le matos. Julie. Allez, maintenant, Loris, à toi. Loris, montre-nous de quoi tu es capable. Alors, Loris, je le soupçonne d'avoir répété cet après-midi. Vas-y, je te soupçonne aussi. Zéro répète. Parce que là, comme ça, tu n'y arriveras pas. Allez, vas-y, 3, 2, 1. Vas-y! Il s'est pris de l'angle! Il se l'est pris de l'angle! Mais on je continue, peux pas faire ça, Julie. Je suis une meuf, il n'y a aucune meuf qui l'a fait! Allez, Julie! Mais il n'y a aucune meuf qui l'a fait! Mais toi, tu réveilles les gens! Pardon, madame, excusez-moi, c'est Julie! Faut que tu y ailles fort! Hein. Attends, il est devant! Reculez-vous, qu'on fasse un très beau boomerang! Vas-y fort! Fort! 3, 2, 1! Vas-y! Fort, on a dit, on recommence! Non, on recommence! Julie, il faut faire comme ça, il faut faire! Un grand coup. T'es mignon, toi. Bah oui, je suis mignon, je le sais. C'est pas une raison pour le dire à l'antenne. Ok, on y va. Et t'as bien au milieu. La pelle est trop mais grande. Mais non, vas-y. Au milieu et fort. 3, 2, 1. Vas-y. Ouais, je vais essayer. Faut que j'essaie ça. Allez, mettez-moi ça en position. Moi, je pense que je vais me faire très mal. Toi, ça évidemment, va t'énerver comme parce d'habitude. Que tu vas vouloir y arriver. Allez, on y va. 1, 2, 3. Allez, go, go, vas-y, go. Vas-y. C'était pas loin. Presque, recommence. C'était pas loin, flipper, c'était pas loin. Hein? Ça fait flipper. Non, j'ai pas envie de risquer une deuxième fois dans la gueule, mais je vais quand même essayer. Ah oui, t'as failli faire. Après, on essaye de Mika. Il faut quand même que je réessaye. Attention. Vas-y. Trop loin. Guillaume, on doit être à toi dans deux minutes, je vais le faire moins fort. C'est vraiment je vais bien ajuster. Là, ça y est, je l'ai. Tu le connais, il va essayer tant qu'il va y arriver. On le remet en position. Guillaume, l'émission ne terminera pas Guillaume, tant qu'on n'a pas. Dans deux heures, tu es là. Allez, une dernière fois. Il ne faut pas mettre ta main, mets ta tête. Allez, une dernière fois. On y va. Attention, le ballon d'or. Vas-y, c'est bon, on y est. Attention. Moins fort, il faut le faire moins fort. Non. Ah, chou est plus fort. Une dernière fois. Une dernière fois, jusqu'à 2h du matin. C'est vraiment débile. Attention. Vas-y. Toi, t'es con. Pietre, il est très con. Nous terminons avec Mika. Mika. Putain, je me suis pris l'angle. Mika, quoi qu'il se passe, tu termines cette émission, s'il te plaît, tu me le mets. Et on laisse Guillaume, quelle heure il est, 22h05. On va vous souhaiter une bonne soirée, on va vous faire des bisous. Allez, Mika, quoi qu'il se passe. But, pas trop fort, hein, parce que le but fort, du jeu, oui. C'est de. Ah, mais si, il faut le faire monter. Oui, mais ça, tu arriveras pas. Ouais, je vais me pousser parce que. Vas-y. Refais-le, c'était bien. Refais-le. Encore, c'était bien, on y était presque. Il est parti à 10 mètres, le truc. Vise bien avec la tête après. Il y a les mecs des fenêtres au-dessus, ils essaient de le choper tellement ça monte haut. Allez, vas-y. T'étais bien, t'es mon champion du monde. Tu peux y arriver. 2, 1, vas-y. Vas-y, non, dans la benne. Mais non, mais vise bien. Je crois qu'il a assommé un auditeur. On va finir là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit. Une dernière. Vas-y, Mika. On laisse à Guillaume et je vous embrasse. Mais je veux que tu finisses sur un succès, que je veux entendre la foule t'applaudir. Plus vas-y. En avant, je crois. Allez, ouais. On non. y va. Non, vas-y. Fonce, 3, 2, 1. Oh, dans la gueule. Je vous embrasse, mais je vous souhaite une bonne nuit. On n'y arrivera pas. Je crois qu'il l'a pris. Vous êtes sérieux? Je crois qu'il l'a pris dans la gueule. À demain. Attends. Je termine une dernière fois. Allez, une dernière fois. Allez, je fais une dernière fois et puis on arrête. Une dernière fois. Attends, allez. Bouge parce que une dernière. Guillaume, attention, prêt à mettre le jingle, les amis. 3, 2, 1. Eh ben, on n'y arrivera pas. Bisous, non. À demain. Bonne nuit, au revoir, à demain. Allez voir les vidéos. Ciao. Koé revient demain dès 19h sur Énergie. Notez bien, à partir de 22h, okay. C'est Guillaume Radio. Vous allez bien. Du lundi au vendredi sur Énergie. Allez, sur Énergie, on est là. On se retrouve le soir à partir de 22h. Hein, Guillaume Radio 2.0 et 22h06, on est là en direct après Koé comme chaque soir jusqu'à minuit. Je vois plus rien devant son boule magique. Je mets pas, je deviens très nostalgique. Vous avez passé une bonne journée en tout cas là. On se retrouve pour passer les deux dernières heures de la journée. Si vous êtes en cours la journée ou quoi, j'espère que ça s'est bien passé les copains. On se retrouve ici en ambiance pote hein, le soir. Si vous voulez passer, faire de la radio, on la partage, elle est pas à nous. Hein. Vous nous appelez, vous passez, vous faites ce que vous voulez avec d'ailleurs. Si vous voulez écouter un morceau, vous me dites lequel. Et puis on se le cale avant minuit. Guillaume au début du SMS, juste pour qu'il arrive sur mon écran. Guillaume et le message avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. Si vous voulez venir à l'antenne, allez-y. Hein. Guillaume et le message avec votre numéro au 6 11 12. Toute l'équipe qui est en train de s'installer. on aura un bruiteur de cinéma aussi tout à l'heure qui vient dans l'émission. C'est assez marrant. C'est un mec qui fait des vrais bruitages. Tous les bruits du coup de fusil à la porte qui queen, aux zombies qui meurent. On va se refaire une petite histoire en mode Walking Dead et tout à l'heure, il va nous faire les bruits derrière. Dans 2 minutes à 22h09, il y aura la blague de JM du Standard. Bonsoir, JM du Standard. Salut, Guillaume. Salut tout le monde. Ça va bien la journée? Ouais, au top. Ouais, franchement, bon week-end et tout. Une bonne vanne à raconter ouais, aujourd'hui. Ça va, ouais, ouais, la tourne un peu en plus. Et jeudi, on aura Jeff Panaclock qui va co-animer l'émission avec moi et il y aura un battle de l'humour. Oh là là. J'ai envie de faire JM du Standard contre Jean-Marc. Ah ouais, avec Jeff Panaclock, le singe de ouais. Jeff Panaclock, Jean-Marc. Tu vas te battre contre un singe, JM. Ah bah ouais, je gagne. Et tu vas peut-être te prendre une branlée contre un singe. Quand même pas. Bon, allez-y, les frérots, si vous voulez balancer une petite dédicace, on est là. Hein. Les meilleurs sont de retour, vous êtes géniaux. Merci Marine du 33. J'espère que ça s'est bien passé les cours, le boulot aujourd'hui. Petit message, je le lis. Voilà, vous commencez par Guillaume et il arrivera sur mon écran d'ordi. Guillaume et le message au 6, 11, 12. Toutes mes soirées en semaine sont égayées grâce à toi et ton émission. Merci, gros bisous à Amandine. Je t'embrasse très fort. 27 ans de Somana. Toujours un plaisir de vous écouter chaque soir. J'aimerais peut-être cet hiver à Paris vous rencontrer avec plaisir, Karine du 35. Ouais. Eh ben, gros bisous la Bretonne, la chérie. Là. C'est toujours un plaisir de passer 2 heures avec vous. Salut RCA Gosse, bonsoir à Momo du 9-4. Vous êtes les meilleurs aussi. Salut Momo. Bah voilà, les petites dédicaces sont parties. Ça va, je stagiaire? Ouais, ça va bien, Guillaume. Salut tout le monde. Ça, t'as passé une bonne journée? Ouais, ouais moyenne. J'étais aux toilettes toute la journée. Mais à part pourquoi ça, bah, j'ai un début de gastro, on va dire. Ah, c'est vrai? Je suis un peu bizarre là. Je suis un peu barbouillé. Ah ouais. J'ai mangé des moules hier. J'étais à Lille pour le week-end. T'as mangé des moules? Des moules frites, ouais. Moules. Des moules. Et puis du coup, j'ai une réaction, je crois. Ah, t'as pas trop bu? Bah non, justement, j'ai bu de l'eau. Parfois, non, non, non, je crois que c'est les moules qui sont pas passés. Ouais. Mais t'as mangé des moules dans un resto ou tu? Ouais. Non, non, dans un resto à Lille en terrasse, tranquille. C'est parfois on peut se faire des moules frites. Ce matin, en camping, moi, je faisais tous les étés. Du coup, réveil. La cocotte de moule, la cocotte de frites. C'est parti, c'est trop bien. Avec la crème fraîche, t'en prends quoi les moules là? Marinière. Putain, ça donne envie d'en bouffer. Ouais, avec des frites. Les moules au Roquefort, c'est bon. Bah, il faut aimer le fromage. Et au maroilles aussi. Ah, il y en a au maroilles. Dans le nord. Les moules, c'est vrai. On s'en sent fort, mais bon. Gigi, le cousin de Flo Décalo. Salut Gigi, bonsoir à toi. Ça va, Flo Décalo? Salut Guillaume, ouais, ça va. Un cousin qui s'appelle Gigi? Pas du tout. Merci. Camélia de Reims. Putain, j'ai vu Dorothée à TPMP. J'ai pas vu. Ah ouais, c'est une star quoi. Ça l'enfance. Va, Fonicalo, la journée était bonne? Ouais, hyper cool. C'est quoi ce. Non, non, mais je réfléchis ça. Non, ah, c'était cool. Bon, bah, très bien. Salut Booba, Booba Pinocchio, le nouveau. Ah, bah, on peut se le caler, le nouveau Booba, avec plaisir. On se fera de nouveau. Il y a rien qui me dit nouveau Sopra. Évidemment, le nouveau Snake. On a tout, on a même le nouveau PNL. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Il tourne de ouf, hein. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. PNL, t'as dit quoi, j'ai le standard? Il tourne de ouf le nouveau clip. Hey, là, ouais. De ouf. Ok. Il tourne des ouf. Ah ouais. Il y a le nouveau Jules qui est sorti tout à l'heure. Ça, il ouais. sort un morceau gratuit par jour. Je vois plus rien devant son boule magique. Salut à John, bonsoir à toi John. Elle s'est fait belle, ouais, elle s'est fait les ongles. Elle a fait les plaques sur ses cheveux lambeaux. Je l'aime bien, elle est gentille et simple. Pas besoin d'aller la chercher en lambeau. Elle me trouve beau, même quand je le suis pas. Tu manges, je te suis, elle, je la suis, elle me fuit pas. Elle a le regard qui tue, qui elle est pas mal celle-là. Ouais. John par SMS, bonsoir Alan, Alan du 60, John qui dit j'ai rien niqué Camille, bonsoir à toi. C'est quoi la musique que tu me passes? C'est qui on fait on est des fous, on fait passer l'ennui, qui la chante? Ah attends, on est des fous, on fait passer l'ennui, c'est laquelle Attends, là. J'en passe plein là, c'est pas ça là? Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois je voudrais. Ah non, je sais, c'est Ritza. Y'a des stories de fous, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. Ouais. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fous. Ça va, Julia, t'es en forme? Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va bien la journée, ouais? Ouais, super, c'est un peu le retour du froid, mais bon, c'est pas grave. Ouais, pourquoi? Non, ça va. Bah, ça va, ouais. Alors, il fait nuit. Ah putain, j'ai évité les flics. Je voulais dire merci. Ah. Oh putain, j'étais à 180 en moto. Oh là, Non, c'est pas vrai, je rigole. Attends, non, 200. Non, j'étais un peu rapide, c'est vrai. Où ça? Et il y a un taxi, un Renault que j'embrasse dans une Velsatis. Non, dans une Prius grise. Ah ouais. Il m'a mis les warnings, il m'a fait des appels de phare, il m'a évité de perdre 100 points. Bah sinon, c'est la merde. Oh là là, des bâtards. Et dans un tunnel dans Paris, ils se mettent. Moi, si je trouve ça putassier, moi, ça m'énerve. Bah, je voulais le dire. Il cherche de l'oseille après. Non, mais attends, dimanche soir, hier soir, je suis chez un pote et tout, j'ai une fondue, donc j'ai bu un verre de vin rouge et tout. Genre à 21h et je vais prendre la moto pour rentrer chez moi à minuit quoi. Ouais. Donc j'avais plus rien, tranquille. Mais c'est vrai qu'en moto, la nuit, c'est impossible de rouler avec une moto, un gros cube, quoi, comme on dit. Vraiment, en plus, y a personne. De rouler à 50 à l'heure sur les quais de Paris, donc tu roules forcément un petit peu à 70, quoi, on va dire, à 60. Ouais. 155. 150, mais tu roules un petit peu tranquille le soir et tout. Et les mecs, ils se mettent en bas d'un tunnel. Ah bah oui. Alors que y a vraiment, c'est vraiment pas le moment, l'endroit où tu vas déranger les gens, où tu vas te. Où c'est dangereux pour toi. Ouais. Là, mettez-vous devant une école, putain de merde. Non, mais mettez-vous soir, y a pas quoi, devant un centre pour handicapés où ils doivent traverser doucement. Mais toi, j'aime du temps, je m'en branle. Ça m'a fini. Ils étaient là, ils étaient à 50 là. Avec les jumelles. Putain, en plus, moi j'ai rien contre. Au contraire, hein. Heureusement, vous êtes là et moi j'ai un discours complètement inverse de tout le monde. Et je dis heureusement qu'il y en a parce que sinon on serait dans la merde. Et il y en a qui sont très très bien. Je trouve ça juste dommage le côté. Ça donne pas une bonne image à la police de se mettre avec un entonnoir avec 50 plots orange au bout d'un tunnel où ils sont en ligne droite. Ils savent très bien, ils se mettent dans la pente. Ils attendent. Et putain, ils attendent le pigeon quoi. Ouais, donc là, franchement, ils m'auraient arrêté. J'aurais pu me battre. Des hit-fuites. Ah non, franchement, ça m'aurait. Non, je rigole pas. Après, ça, moi, Non, mais je plaisante. Y'a pas l'émission. Mais je me serais battu contre moi-même. Je me serais mis une patate tout seul. Je vois plus rien devant son boule magique. Non, mais franchement, je trouve ça assez énervant. Je sais pas si c'est pareil pour vous, ce genre de dos là. Je trouve ça quand même scandaleux. Et à un moment donné, putain, on est en 2016. Et ça ne donne pas envie des. C'est vrai, en plus, moi qui suis. Non, mais j'adore en plus. Les képis, non, mais moi, j'ai. Non, mais en plus, j'aurais pu, ces gamins et tout. Enfin, c'est un truc. Au contraire, moi, je trouve ça stylé et tout. Ouais. Je suis fan de. Enfin, je suis fan de tir, moi, à la base. Mais je comprends pas pourquoi les mecs, ils vont se mettre là. Et qui est. Ben après, c'est leur chef, hein, je sais bien, hein, les gars. C'est pas contre eux qui étaient physiquement en boss que j'ai. Ils appliquent les trucs. C'est sur les mecs qui lisent. Alors, les gars, on va faire un peu d'oseille, on va se mettre là. Hein, et puis on va augmenter les autoroutes de 25% dans un mois. Ouais. Vous avez vu ça, franchement, ils se foutent de la gueule de qui? C'est les sociétés privées qui gèrent les autoroutes, les mecs. Genre les péages. Attends, d'où ils augmentent de 25%? Franchement, c'est pas déjà assez cher. Prends le train. Et par contre, les routiers. Aussi, le train, et par contre, les routiers portugais, espagnols et de l'Est là, qui passent et qui défoncent les routes. Ouais. Par contre, ils payent pas, alors que dans tous les pays d'Europe, il y a des taxes. Genre, tu peux passer en Belgique, genre, tu payes une vignette en Allemagne aussi. Partout. Et nous, on est les seuls cons à pas faire payer les étrangers qui passent sur route, qui les habitent. Et nous, on doit payer 25% de plus. On est comme ça. Ah, j'avais deux. Voilà. Et le troisième, c'est sur la coupe de cheveux de Claude Cadeau. Ah, c'est plus possible pour les cadeaux. Il devait aller au coiffeur. On va t'acheter un lisseur à cheveux, c'est pas possible. On a essayé ce week-end. Pas possible. C'est allez, lisseur ou pas, Guillaume? Ah, moi, bien sûr. C'est vrai? Ah, non, je vais essayer. Je c'est vrai? Ah, je t'ai fait un petit coup. Mais oui, t'as plu ou pas? Je t'ai fait un petit coup. Depuis hier, ils bougent plus les cheveux. C'est ouf. C'est beaucoup mieux. T'as pas assez de masque quand même. JM du standard, je vous explique, il a une mèche un peu à la Elton John devant. D'ailleurs, il me fait penser physiquement à Elton John. Ah ouais. Non, moi j'ai pas les mêmes lunettes. Oh. D'ailleurs, la première fois que je t'ai vu, j'ai pensé même que tu pouvais être le fils d'Elton. Non, arrête. Et après, je me suis rappelé que c'était pas possible, mais pendant quelques secondes, je me suis vraiment posé la question. Salut, c'est Jordan, vous montez de moral. Est-ce que tu pourrais passer M. Pokora si tu pars? On passe tout ce que vous voulez, les potos. Je vois plus rien devant son boule magique. Je mets pas, je deviens très nostalgique. Elle s'est fait belle, ouais. Le nouveau cachemire. Il y a Jordan qui est là du 80. Bonsoir à toi, Jordan. La Somme. Allô. Vous allez bien? Salut. Bah, vous allez bien? Vous allez bien? Bien. Ah ou quoi? Enchanté. Ça va? Bah ouais, très bien. C'est qui, papa? Enchanté, Jordan. Ça va ou quoi? Déjà passé à la radio ou jamais, toi, mon Jordan? Non, jamais. Mon Jojo. Mon Jobard. Mon Jobard. C'est comme disait ma grand-mère. Ah, ouais. Saint-Jobert. Eh ben. Des pucelages radiophoniques, alors. Hein. Putain, c'est bon, ça. On dirait un bruit de fessé, mais bah, faut que je m'entraîne parce qu'après il y a un vrai acteur de cinéma. Je crois qu'il va nous mettre une claque, le mec. C'est sûr. Il s'est installé déjà. Il a mis plein d'affaires devant le GSTGR. J'ai envie de toucher, mais bon, apparemment c'est interdit. Ah, non, ne touche pas. Non, j'ai lu, c'est son matériel. Il y en a plein d'autres dans le couloir. C'est bizarre de vous écouter. J'ai passé une excellente journée. Je finis en beauté avec vous. Salut Hervé, merci beaucoup. Salut Hervé. Il vient quand, Jeff Panaclock? Jeudi soir, 22h minuit. Parce qu'en fait, il va faire un live au cinéma le soir dans tous les cinémas de France. Le 5 octobre. Voilà. Et donc il va venir nous en parler. C'est là, il rediffuse son spectacle. En fait, pas vraiment son spectacle, c'est une sorte de merde, on s'appelle les coulisses, reportage les coulisses, inside. Sur lui et sur son histoire, etc. Ça raconte comment il a préparé, comment ça a commencé, machin. Depuis 5 ans. Et il y aura des lives en direct d'une salle qui s'appelle le Grand Rex à Paris. On peut acheter ses billets aussi et puis y aller. C'est énorme. Et voilà, ça va se passer le 5 août. Ça va être énorme. Salut Mélanie du 71, trop cool de finir la journée avec vous. Ce lundi a été long à cause des cours. C'est parti les frérots. Comme Jojo là, comme Jomar. C'est le rêve. Il y a un morceau que t'aimes bien, t'as Jordan ou pas d'ailleurs, d'Albert là? Bah, Cachemire, moi j'aime bien. D'accord, okay. Cachemire. Ouais. Il est bien, Cachemire. Il y a le Jul et Gims aussi qu'on écoutera tout à l'heure. Boucan. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais. ça va de soi. Seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tout... On s'écoutera Garrix aussi, Martin Garrix tout à l'heure. Et puis Alonso Bintard, hein. On s'écoutera tout ça tout à l'heure. Ça va, t'as passé une bonne journée, mon Jojo là? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ouais, ça va, bah j'ai taffé. Ouais, tu fais quoi? Électricien. D'accord, okay. Ah énorme, bah, enchanté alors. Salut à tous les électricos. Hein. Ouais, big up. Je sais pas comment on dit. À tous les tricos. C'est bon ça. Bah, merci beaucoup. Hein. Et t'es sur un chantier en ce moment ou t'es encore à l'école? Comment ça se passe? Bah en fait, je suis en formation, genre je fais école et chantier en fait. Ouais, t'es alternance quoi. Ouais, ouais, c'est un bien, nom, ça. C'est un nom ce truc. Mais ah, c'est bien. Et ça va, ça te plaît, électricien? Ouais, ça va, franchement, ouais. C'est cool. T'as une bonze ou pas, toi? Ouais, bah ouais, c'est bah, le problème de que je vais parler après, en fait. Ah, bah alors, ouais. Vas-y, bah, parle maintenant. Alors. Ouais. Et bien, on fait le bruiteur de cinéma un quart d'heure, et puis après, ouais. On parlera de la gonze à Jordan. Gonze de Jordan, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Bah, le problème, c'est que, genre, en fait, j'ai 19 ans. Ouais. Et c'est que, genre, quand je dois aller coucher le soir. Ouais. Avant de m'endormir, je suce mon pouce. Ah ouais, il y en a plein. C'est un rituel. Ah, il ouais. Y en a plein, plein, plein. À 19 ans. Bien sûr. Mais tu rigoles ou quoi? Ouais, 19 ans. Ah, attends, ouais. Non mais bien sûr, mais il y a plein de même des adultes. Hein, dans le biberon aussi. Genre, ouais. Non mais genre même des je crois que j'ai même une tante qui suce ou ma mère, je crois, elle suce son pouce quand elle était petite. Et c'est pas bon pour les dents, par contre. Bien sûr. Ah ouais. Hein. Ouais. Les dents qui partent en avant. En dormant, ouais. Non, pas forcément. Si. Mais ça dépend parce que Julien César suce pas que. Non, mais demandez. Qui m'a demandé ça? Il a toujours dans la bouche. Non mais en vrai, pas forcément. Comme se ronger les ongles, c'est pas bon. Salut Guillaume, je confirme les rumeurs qui annoncent que je me suis fait voler ma couronne et mon écharpe de Miss France Marine l'orphelin. Ah voilà. Ah ouais. Et s'est fait chourer son truc là. Mais non. Je sors du badminton et je vous écoute en rentrant. Salut Benji du 33 là. Salut Doro Glace en Alsace. Je tape des travaux dans le 63 degrés en écoutant Énergie. Bonne soirée. Bonsoir mon Rémi. Bon courage. Je dois me lever à 4h du matin pour partir avec les cours dans les Alpes. Stage géologique Nico du 67. Il a dû trop se faire sauter. C'est pour ça qu'il a chié. J'ai eu un stage. Non, non. Salut Mélanie du 71. Trop content de finir la journée avec vous. Alors mon Jojo, qu'est-ce qui t'arrive? Donc du coup ta meuf et c'est pas que tu suces ton pouce en gros? Bah non, genre en fait ça fait ça va faire 5 ans que je suis avec. Ouais. Et le problème c'est que bah on dort ensemble et tout et j'ai peur de me faire cramer, genre si elle se réveille ou quoi et qu'elle me voit quoi après. Bah tu sors le pouce direct, tu fais ouais. Genre. Ouais mais si je dors, mettons, je dors. Ouais. De quoi? Si je dors et que genre elle se réveille et qu'elle me voit en train de dormir avec mon pouce, tu vois. Et ben elle te connaîtra juste normalement. Ouais. Et si on sait ouais, qu'elle a pas remarqué, ouais, mais... peut-être qu'elle a déjà vu et qu'elle attends, t'en a pas bah parlé. Bien sûr, bien sûr. J'ai un stagiaire par exemple, lui il sortait avec une meuf. Alors ouais, ouais. Et il se réveillait la nuit et en fait dans son sommeil il était somnambule, il sortait des objets dans la nuit. Pas du tout. Toujours, elle en a parlé. Elle jamais dit, de la vie. Je me suis réveillé, t'avais un morceau de la plante verte dans le trou de cul. Dans le trou de cul, bien sûr. Non, mais attends, il y en a plein. Mais attends, il y en a plein. Non mais en plus c'est pas un truc honteux le fait de sucer son pouce. Non bah non ça va, il y a pire. Hein ouais. Non c'est que le pouce, non, ça va. Non mais vraiment en plus c'est, bah oui. C'est pas toi. Ça reste mignon. Non mais tu me dirais ouais, okay. je prends mes couilles en dormant. Mais attends, je vais dire un truc. Tu me dis je prends mes couilles, je les tourne 10 fois et je les fous dans mon cul en dormant, je dis ah ouais c'est chaud, putain faut que t'en parles à un médecin. Bah, faut être quoi. Souple. Après franchement c'est pas toi sucer son pouce j'ai un stagiaire, mais c'est toujours un tonton. Quoi le tonton et moi? Non mais est-ce que n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des trucs que vous faites en couple et que vous dites pas à l'autre? Est-ce que ça vous arrive de faire des trucs et que vous êtes en couple et qu'elle n'a jamais su, que vous voulez pas dire? Truc secret quoi. Vous rongez les ongles des pieds, des moments un peu intimes quoi. Voilà, il y a des filles qui cachent par exemple le fait d'aller faire caca en croyant que leur mec ne devine pas qu'elles font caca. Elle est humaine la fille. Moi je suis sorti avec des filles comme ça, elles pouvaient pas aller aux toilettes chez moi quoi. C'est ah bien qu'elle va le faire. Alors que, bah oui, mais moi ça me dérange pas en plus. Bah ouais. L'odeur de la merde. L'odeur de la merde. Dans sa chambre, y'a rien de mieux. Au naturel. Moi ça me dérange pas. Enfin, je suis pas complexé. Donc quand je suis en couple, bah voilà, je sais bien. Par contre, bon, c'est sûr, quand j'ai une meuf qui va faire caca, la porte je vais mettre un peu la télé, quoi. Tu ouais, vois. Bah oui. Non, mais je m'enferme pour pas entendre parce que ouais. après c'est dégoûtant, quoi. Même ouais. Si elle pète, c'est pas bien. Flo des cadeaux, t'as déjà entendu ta meuf chier fort? Non, moi j'essaye d'éviter au maximum pour essayer de conserver un peu, tu vois, l'image que je fais d'elle, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis d'accord. D'accord. Je serais pas le genre de couple qui chie la porte ouverte ou qui non, non, non, la porte ouverte. Non, mais c'est clair. C'est pire, tu mets de la musique. Lui chie sans porte. Mais mais non, mais si, vraiment. Déjà que tu le sais, t'as pas besoin de le voir en plus. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu fais attention. J'aime le standard. Au pire, tu mets un peu de musique pour camoufler le bruit. Oui, ouais, mais... c'est ce que je fais moi. Ouais, moi aussi. Hein. Putain, ouais, je mets l'appli énergie. Je mets l'appli énergie. Ou alors je regarde des trucs de merde sur YouTube. J'allume le pointeur que j'ai. Il y en a qui laissent la porte ouverte et tout. Et... ouais, non, mais ça c'est vrai. Oui, oui, non, ça fait pas. Après, le truc, c'est après, t'as moins envie de niquer que quand tu la vois un peu. Julia, toi, ça te dérange pas? Bah, si, ça me dérange, mais il y a la grande technique du je mets le robinet et je mets de la. Je chie dans ma main. Belle. Faut pas que ça fasse de bruit, Guillaume. Je suis sur mes coussins. Comment tu fais? Bah non, j'allume le robinet pour qu'il y ait de l'eau et le bruit de l'eau et je mets de la musique comme ça, impossible d'entendre. Ah ouais, les deux quoi. Mais ouais, là, mais ça sent quand même l'odeur quoi. Ouais, et le pchit, ouais, il l'entend le pchit. Je craque une allumette. C'est pareil. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est la base. Bah oui. Non, mais ça, c'est mon truc ça. C'est pour ça qu'il dit ça. Parce que toute l'après-midi, j'ai cramé les allumettes dans les bureaux de télé. Non, mais parce qu'il y a des gens qui sentaient la transpi. Du coup, quand je rentre dans un bureau, je craque une allumette maintenant. Et tu dis pourquoi? J'ai parce que. J'ai pas envie d'expliquer, de dire tu pues frérot toi. Ouais, ouais. Donc ce que je fais, je craque l'allumette. J'aime du standard, qu'est-ce qu'il y avait à propos des odeurs quand t'es en couple? Bah non, ouais, moi je fais attention juste que je fais. Des fois je sens mes chaussettes, tu vois, mais je vais pas le faire quand je suis avec une meuf, tu vois, pour savoir ça. Tu sens? Ah oui. Ouais, ouais, on le fait. Mais, après, ouais, mais voilà. Je comprends pas, moi je les enlève, je mets dans le bac à ah oui. Ouais, mais... ouais, mais des fois je sens pour comparer un peu, tu vois, je me dis ah ça c'est chaussette avec ses baskets plus jamais, tu vois. Merci, j'ai Est-ce que pareil que j'aime du standard? Ah oui. Est-ce que pareil que j'aime du standard, vous mangez vos chaussettes? Non, je ne mange pas. Alors attendez, Guillaume et votre texto 612, est-ce qu'il y a un truc que vous faites en couple, enfin de votre côté, et que vous n'avez jamais dit à l'autre? Guillaume et votre message 612, c'est assez marrant. Est-ce que vous allez sur les sites porno vous branler en scred? Bah tout le monde. Sans que la meuf le sache ou quoi? Non, mais c'est intéressant ça. Guillaume et votre message 612, les trucs qu'on fait en couple et qu'elle ne le sait pas. Et juste après le bruiteur de cinéma sur Énergie. C'est Énergie. Only. Julien Télouk. C'est un truc de fou. J'adore. Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouin. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis, ça va être du lourd ça. Team Game One, c'est tous les mercredis en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre quel est le sens de la vie? Non. Et alors? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Quel est l'impact du Brexit sur l'économie européenne? Trouvera-t-on un jour de la vie ailleurs que sur Terre? Comment une vidéo de chat peut-elle être vue 227 millions de fois? L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse, et vous, dans tout ça? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. Gagnez avec Énergie des box all-inclusive Société Générale avec des iPads, des MacBook Pro, des séjours, du cash. Vous êtes étudiant ou apprenti? Alors rendez-vous sur boxallinclusive.energie.com. Écoutez Coé de 19h à 22h sur Énergie. Une box Société Générale d'une valeur maximale de 16 000 euros à gagner par tirage au sort chaque semaine jusqu'au 18 octobre. Énergie, hit music only. Oh. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi avec Orange Cash en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Uh-oh, running out of breath, but I got stamina. Uh-oh, running out, I close my eyes, well, oh, I got stamina. And uh-oh, I see another mountain to climb, but I got stamina. Uh-oh, I need another lover of mine, cause I the wisdom of the fallen. I'm the youth. Ay, I am the greatest. Ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure. I'm hands on with effort. I failed twice before. My bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive. Another scar may bless you. I don't give up. No, no. Give up. No, no. Don't give up. No, no, no. Nah. Don't give up. Meilleur, encore plus fort, fort. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. L'antenne sur Énergie avec Soprano. Je sens que je vais briller. On va se le caler, 22h28, il y a Jeff Panaclock qui vient jeudi. Pourquoi animer l'émission avec moi? On va bien rigoler jeudi avec Jean-Marc, bien évidemment. Ouais. Voilà, Jeff Panaclock avec le singe, Jean-Marc. Si vous le kiffez ou quoi, vous pouvez le follow sur Twitter, lui balancer un petit message. On va bien rigoler, quoi. Bon, Guillaume et votre message au 612, ça part toute la soirée. Merci d'être hyper nombreux. Salut, c'est Guillaume, c'est Louis du 64. Salut à toi, Louis du 64. Salut. À la seconde 1 du lycée Émile Zola, Châteaudun, signé un mouton. Salut le mouton. Salut. Toujours un plaisir de vous écouter dans le 41. Je vous ai jamais vu, j'aimerais trop. Bah, vous pouvez venir. Hein. En Loire-et-Cher, oui. Avec plaisir, voir la tête de Julien Stagiaire sur le parking. Bah oui, la tête de JM du standard. Ah, là, hein. T'as l'air hyper concentré dans ce que tu fais, JM du standard, dans l'ordinateur. Il est vraiment, il est comme ouais, ça, il décroche pas. Donc, qu'est-ce que tu fais d'intéressant, JM du standard? Là, je lisais les SMS et j'allais écrire, voilà, on va être avec le bruiteur. Ah, il met un message sur voilà, Facebook. Exactement. Eh ben, enchanté, Aurélien le bruiteur. Enchanté. Sois le bienvenu. Tu t'appelles Aurélien Bianco, c'est ça? C'est ça. Vas-y, bah, merci d'être venu, hein, Aurélien. Salut. De rien, merci de m'accueillir. Je sais pas par quel chemin tu es arrivé là. Parce qu'on a eu l'idée, là, l'autre jour, on s'est dit, putain, mais pourquoi pas, c'est hyper intéressant, il y a des bruiteurs de cinéma qui arrivent à faire des bruits, en fait, genre le coup de fusil, c'est pas un vrai coup de fusil, par exemple. Non, mais les coups de fusil, maintenant, on les fait plus en montage son, donc on va enregistrer des vrais sons dans la forêt. Ou ouais, des vrais flingues et tout ouais, ça. Ouais, voilà, des vrais flingues. Et toi, t'es intervenant dans des écoles de cinéma, j'ai vu, tu donnes des cours un peu, t'expliques comment on fait? Ouais, j'aime bien la transmission, enfin, c'est un métier qui se transmet vraiment, donc du coup, je fais des ateliers avec les enfants, ouais. Avec les vieux aussi. T'as 29 ans, toi, c'est ça? 29 ans, ouais. Putain, c'est trop bien de faire ça. C'est rigolo comme taf, quoi. Ah, c'est original. Ah, t'as mis des carrés de tôle et tout derrière, je viens stagiaire. Ouais, j'ai un peu peur, là. Je suis venu avec beaucoup d'objets. Ouais, c'est bien, attends. Donc, c'est rien. Ah, c'est vrai? Ouais. Par rapport à ce que t'as chez toi? J'ai un camion en bas rempli. En plus, pour faire d'objets. Du bruitage. C'est une brocante, en fait. Et tu le fais de chez toi ou dans des studios? Non, non, je vais dans des studios. Avec ton matos, quoi. Avec mon matos. On déménage tout le temps. Et t'as pris le même matos que les autres anciens quand t'es arrivé dans le milieu ou t'as essayé de chercher des nouveaux objets aussi? J'ai cherché des nouveaux objets, mais après il y a des objets aussi qui sont plutôt récurrents dans le bruitage. Ouais, un peu connus. Voilà. Pour tes systèmes ou tes systèmes. Voilà. C'est marrant, il nous a fait là parce qu'on a juste allumé le micro hors antenne quelques secondes avant l'émission pour voir un petit peu si ça fonctionnait ou pas et il a essayé un bruitage d'ouverture de porte, c'est impressionnant. Ah ouais, ah, j'ai hâte là de Rien que ça. Le grincement de porte, exactement. Alors ce qu'on va pouvoir faire après, on va pouvoir rigoler. On va essayer de faire un truc, on va faire une histoire comme on fait des petites scénettes de temps en temps là. Ouais. Je m'appelle Brian McPherson. Nous sommes en 1892, alors que c'est la guerre de sécession. Voilà, on va se refaire une scénette comme si on était au cinéma. Ouais. Je serai avec mon petit cousin Bernabéu. Yeah. Bernabéu. Yeah, que se passe-t-il? Voilà, donc il jouera aussi bien. Non, tout à l'heure, on va faire croire qu'on est, pour ceux qui connaissent la série Walking Dead, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série avec des zombies. On fera croire qu'on est comme dans la série Walking Dead. Ouais. Je mettrai, je m'appelle Rick Grimm. On est en 1992. Le monde vient d'être envahi par des zombies. Il faut qu'on sorte. Je suis avec Daryl et Michonne. Voilà. Et on fera les bruits, si tu veux bien, essayer de suivre le truc. D'accord. Parce qu'il te faut un petit peu de temps, c'est ça, entre chaque bruitage où tu vas. Parce que là, c'est très dur pour lui. Hein, Ouais, alors normalement, dans le cinéma, en studio, on fait un bruit après l'autre. Ouais. On enregistre sur des couches, on décompose et puis après on écoute le résultat final. Ouais, bien sûr. Là on va faire le. En direct. Là on fait un truc vraiment. Je fais pas. Savoir, c'est. Voilà. Et j'ai vu que t'avais fait des films de boules aussi. Enfin, t'as fait. Ah. Je suis pas au courant. C'est quoi c'est vrai. Des fois, il arrive merci que qui, des films. J'en ai fait un. C'est vrai, c'est juste marrant un. Ça. Ouais. C'est quoi le truc? Mais un vrai film de boules ou un film érotique genre? Bah, c'était un film de boule. Ouais, on voyait tout. Ouais, d'accord. C'est quoi les bruitages dans un porno? Bah, les fesses, non? Ah, mais tu veux le faire? Ah, c'est des trucs comme ça, et puis après, t'as le doubleur qui vient. Non, par-dessus. C'est vrai? Ah, bah oui, c'est pas naturel. Ah oui. Ouais. Mais il n'y a pas de film de cul pas doublé, genre? Moi, je croyais que c'était. Si, ça se fait de moins en moins. Franchement, je pensais même pas que j'allais en faire un jour. Ah ouais? Et quand j'ai reçu le film et que j'ai vu que c'était. Mais c'est genre des films de cul un peu à l'ancienne, non? Oui, je sais pas, parce que moi, les trucs que je regarde sur YouTube, c'est, je limite si c'est la meuf elle-même ou le mec qui a posé la cam. C'est mieux ça. Ou alors en POV et tout. Mais c'est vrai que là, j'ai regardé sur la box, j'ai une box orange. Ah. Et je voulais louer le spectacle de Jeff Panaclock, puisqu'il vient jeudi pour le voir et tout. On est tombé sur un porno. Et bon, voilà. Et donc, non, mais j'ai pas trouvé le spectacle de Jeff, donc du coup, j'ai navigué. Un autre spectacle. Parce qu'en fait, il y avait un bug sur la box orange, ça fait 4 jours qu'il n'y est plus, alors qu'il y était il y a 4 jours. Vraiment un truc de pas de bol. Et donc j'arrive dans la catégorie 16 et ensuite la catégorie 18 ans. Ah. Moins de 18, ah. Moins de 16. Et du coup, bah, je navigue, hein, j'ai fait mon code parental que j'avais jamais fait sur la box. Ah ouais. Et du coup, je vais un peu vers la droite et tout ça. Il y avait les catégories et c'est hyper à l'ancienne, quoi. Parce que je pense que les gens qui louent des films de cul sur les box, c'est les papys, quoi. Bah oui, bah, les darons, forcément. Donc t'as trois cochons pour baiser un max. Ah ouais. Mais c'est des titres hyper sales en plus. Hein. Flo des Canaux, t'as déjà loué un film un peu à l'ancienne, non? Non, mais mon grand-père avait CanalSat et quand j'allais chez lui à l'époque, j'allais voir les films porno. Ouais. Ouais. Et c'était tout encrypté et les titres, ouais, c'était secrétaire. Cochonne. Que c'est vrai à l'ancienne, ouais. Ouais. Bah, c'est bien. Julia, t'as plus de micro, toi, là. Il faut te mettre à côté. Parce qu'en fait, on a pris le deuxième micro pour le donner à Aurélien, le bruiteur de cinéma. Ça, il y a un micro qui se tient. Et c'est toi qui as fait les films de Pure Affaire avec François Damiens, quand il trouve une mallette de coke. Oui. C'est énorme. Enfin, j'étais assistant. C'est rigolo, ça. Ah, ouais. Ceux qui l'ont... T'as fait Philibert avec Alexandre Astier, t'as fait Assistant mon pote d'Edouard Baird. T'as fait les Déferlantes, le téléfilm. Ouais. T'as fait tous les films Soda, c'est toi? Les deux longs métrages, ouais, c'est moi qui les ai bruités. Putain, c'est rigolo, c'est Alain, Et t'as été assistant sur Arthur et les Minimoy 3, quoi. Ouais, ça a été mon premier assistant, là. C'est assez impressionnant. Attends, est-ce que j'ai des extraits? Tu veux qu'on écoute un extrait juste pour montrer ce que tu fais? C'est rigolo. Allez, on écoute quoi, Arthur et les Minimoy, plutôt Soda? Arthur et les Minimoy, j'ai plus de trucs. Alors attends, deuxième, pour le voyage en bulle. Allez, vas-y. Bonjour, c'est pour un voyage en bulle. Je sais que c'est pour un voyage. Pour quelle autre raison pourrait-on me réveiller? C'est toi qui as fait les bulles, genre? Avec mon patron de l'époque. Oui, j'espère au moins que vous savez où vous allez. Oui. Comment tu fais une bulle, par exemple? Bah, tu peux en faire une, là, ou pas, non? Souffle dans l'eau, ou alors... Bonjour, c'est pour un voyage. Tu peux faire avec une plaque de plexiglas aussi. Tu secoues une plaque de plexiglas. Ah oui, glou, glou. Ah ouais. Ah, énorme. Est-ce que tu peux nous faire un petit bruit avant qu'on commence l'histoire? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas ce que tu veux, un petit bruit qui pourrait passer à la radio. De toute façon, t'en as plein, alors. un ou deux, hein, si tu veux faire un petit... Histoire de faire une petite démonstration. Et vous allez nous dire par SMS, tiens, si vous trouvez que c'est bien fait ou pas. Je m'appelle Gaspard et je dors avec des couches quand j'ai des problèmes. Et ma meuf, Mathilde, ne le sait pas. Ça, c'est des potes qui se balancent des trucs. Salut, je suis trop content de vous rentrer, vous êtes au top. Salut les copains. Guillaume, et votre message au 6-11-12 si vous voulez balancer une petite dédicace. Si vous voulez passer tout à l'heure aussi, on va parler des trucs qu'on fait en couple et qu'on dit pas à l'autre. Et Aurélien, le bruiteur, Aurélien Bianco, qui est bruiteur de cinéma, qu'est-ce que tu veux faire en premier alors? Alors, ça c'est un petit objet. Pas bien dans le micro, C'est un petit objet avec une petite vis. Oui. Donc, du coup, un petit objet en bois. Et. Attends, tu sais quoi, tu veux le faire et tu veux qu'on découvre? Ouais, devine. Allez-y. Ah, la craie sur le tableau. Mais des oiseaux. Ah, oh, putain, ouais. Cui-cui. Ah, bah ouais. Oh là, ça Oh, énorme. Putain, mais c'est hyper. Hey. C'est limite des vrais oiseaux. Alors, lui, une craie, quoi. Non, mais... Bah, ça peut marcher pour la craie. Ah, hein. C'est ça, la magie du bruitage, c'est qu'on peut détourner, on peut utiliser plusieurs objets pour. Je suis plus craie qu'oiseau, pour ça. Merci. Voilà. Attends, tu peux le refaire deux secondes? Attendez, fermez les yeux et imaginez-vous dans la nature. Ah ouais. Ah mais maintenant je le vois faire. Regardez. Putain, j'adore Soda, fais écouter ce qu'il a fait. Ça c'est quoi, c'est un autre? Un dauphin. Dauphin? Sauver Willy. Ouais, ça peut être un dauphin. Ça peut être un dauphin. Ça laisse place à l'imagination en fait. Attends, et tu t'en sers pour quoi ça sinon? Bon, ça peut être un oiseau, hein, ou un dauphin. Ah vas-y. Ouais. Ah, un petit peu, Un dauphin. Un dauphin. Non, c'est vrai, ouais. Salut, mon nom est Gigi et je mets mes doigts dans le cul. Je viens de s'agir. Ma meuf ne le sait pas, je suis cousin de Flo des Cadeaux. Ok, merci. Attends, tu peux nous faire une ouverture de porte là pour voir? Ouais. C'est énorme. Écoutez, il prend une petite lamelle, il va faire. Oh là là! Bravo, bravo! c'est vraiment, ça c'est vraiment drôle. La Flo des cadeaux ne dit pas à l'antenne. C'est un magicien. Pardon. Oui, ça se sache. Tu fais attention à ce que ça ne se sache pas ou tu t'en fous toi? Moi, je m'en fous un peu parce que justement, c'est un métier de transmission. Ouais, c'est agréable. J'aime de bien, montrer sa passion. J'aime bien ouais, montrer un peu et apprendre aux gens justement la magie du cinéma. C'est rigolo. Cinéma. Et comment t'es tombé là-dedans? Comment devient bruiteur à 29 ans de film? Alors, je suis musicien. Je voulais être ingénieur du son, mixeur. Ouais. Et pendant un stage sur le film Océan de Jacques Perrin, c'était un documentaire qui se passait uniquement sous l'eau. Ça s'est passé, mon stage s'est passé pendant les enregistrements d'effets sonores et du coup j'ai découvert un bruiteur qui faisait plein de trucs sous l'eau, hors de putain, l'eau, c'est trop des fort. Trucs trop magiques et du coup ça a été une révélation pour putain, moi. Putain c'est chambé quoi. Ah ouais, bravo. Est-ce qu'il y a une école pour devenir bruiteur? Il y en a qui demandent par SMS, ensuite on fait jouer les hôtels avec le bruitage. Non, il n'y a pas d'école, c'est de la transmission. Alors il y a des familles de bruiteurs ou alors sinon tu... Il y a des familles de bruiteurs. Ah, des ouais. familles de bruiteurs, ouais. Putain, y a c'est des, comme les forains quoi, c'est entre familles, ça reste... C'est ça, hein, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Il y a 2-3 familles qui tournent depuis 3 générations. Dans le bruitage de cinéma. Putain, alors, et ça me plaît, moi, de faire des trucs comme ça. Ça change. Ça, ah ouais, attends. Ah, il faut. Hey, ouais. Personne n'a jamais invité un bruiteur de cinéma en radio. C'est... Bah, nous maintenant. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait oh. Voilà, c'est le son que j'ai fait. Est-ce que ça gagne bien sa vie, un bruiteur de cinéma? Question qui arrive. Salut à toi. Bah, si tu travailles beaucoup, oui. Ouais, ça va, c'est un métier. Oui, c'est, voilà. C'est... Non, mais c'est dur après... d'en vivre au départ, quoi. Il y a pas de gens. Au départ, oui, parce qu'on doit acheter énormément de matériel et donc, du coup, il y a énormément de frais. Ouais. Notamment une voiture qu'il faut. Enfin, faut trimballer tout avec une. Donc il y a beaucoup de frais à faire, mais c'est après voilà. J'aime le standard. Et est-ce que c'est dur de trouver du boulot justement? Bah il faut être bon quoi. Ouais. Voilà. Faut se démarquer. Ouais quoi. Voilà et puis. Question de merde de James. Non, il a plombé l'ambiance. Et l'intervieweur. JM Bourdin ça, le matin. Eh oui, sur énergie. Quel est le son le plus dur à faire pour toi? Le son le plus dur au cinéma, c'est l'écriture. L'écriture bien synchrone et tout ça, c'est super dur. Ah, c'est en vrai? En gros plan, quand quelqu'un filme en gros plan, quelqu'un qui écrit, pour être pile en même temps, c'est super dur. Ah ouais? Moi j'ai vraiment du mal. Tu réécris les mêmes choses? Je travaille. Non. Non, c'est non, vrai. J'essaye de faire les. Ah ouais, putain. Et t'enregistres avec un micro sans faire de bruit? Ouais. T'as une tenue pour pas faire de bruit? Genre, tu mets pas de bracelet, j'imagine, de trucs comme ça? Ouais, quand tu... j'ai une tenue de. En latex. Avec des fentes d'origine. Très discret. Ouais. Voilà. Parfait. On l'appelle Catwoman. Et quel est le bruitage le plus chelou qu'on t'ait demandé de faire un jour? Est-ce qu'il y a un truc genre. Je sais pas, un bruit de caca, un bruit de. Pas le porno. Un truc qui t'a mis un peu mal à l'aise. Où tu t'es dit vraiment chelou, quoi. Le plus chelou que j'ai fait. Tonton JM du standard, il s'arrête plus avec tous ses malaises. C'est la première fois que je l'ouvre. Salut, bonsoir à toute l'Alsace. Elsasser en force, surtout le 6-8. Salut. Les 6-7, c'est des lavettes. Salut les gars. Ah, alors d'accord, ok, ça se. Moi, je dirais jamais à ma copine que quand je la baise, je pense à Mina d'énergie. Merci beaucoup. Oula, oula. Bon, on lui dira pas non plus, on la connaît pas. Voilà. Non, ouais. Ta copine, hein, je parle bien sûr. Non, le son le plus dur, t'as pas un truc comme ça en tête Bah, ouais, le porno à la limite. Lui sexe, ouais. La fille se masturbait et que je devais faire ses cuisses qui taper contre le sol. Des bruits de chair. Ah ouais. Il a pris juste un stagiaire. Il a claqué contre le sol. Je suis curieux de voir comment c'est. Hein. Bon, on va se faire, si tu veux bien, un jeu des hôtels. Le principe est simple. Je vais raconter une histoire et tu vas essayer de prendre les accessoires et de faire le bruit derrière avec des sons, d'accord? Okay. On va s'envoyer Boosty, on s'est pas fait Boosty, on se fait Snake avec Justin Bieber. On se cale Let Me Love You le temps qu'il se prépare. Et puis Aurélien Bianco qui est du coup bruiteur de cinéma va nous faire, il va nous accompagner derrière un jeu des hôtels. Il va essayer de tuer et tout, ça va être énorme. Ouais. On se l'a fait, il est 22h40, gros délire juste après, c'est la première fois qu'on le fait, je suis hyper content de le faire. J'espère que vous êtes content de l'écouter aussi, de délire avec nous les gars. Et si vous voulez passer après, on va parler des trucs qu'on fait en couple et qu'on dit pas à l'autre sur Énergie. Bonne nuit les mecs et merci d'être là les potos. monde est réuni dans Guillaume Radio 2.0. De 22h à minuit sur Énergie. Allez, de retour en direct, il est 22h43 sur Énergie. Vous avez oublié la blague de JM du standard. On la fera demain. On la fera demain. Je peux dire, c'est pas plus mal parce qu'il y a Jeff Panaka qui a co-animé avec moi l'émission jeudi. Et il veut faire un battle de l'humour. Je lui ai proposé, ça le chauffe. Donc ça va être Jean-Marc, hein, le singe de Jeff Panaka, qui va faire un battle de l'humour face à JM du standard. Gros battle. Voilà, on verra qui gagne du coup tout à l'heure. On verra si JM du standard se sent bien ou pas. Il m'a dit, Guillaume, si on peut éviter d'en faire jusqu'à jeudi, pour garder meilleur. Ce à quoi je lui ai répondu, mais t'es plus capable de faire une blague par jour. Je dis, depuis que t'as 30 ans la semaine dernière, voilà. Il a très mal pris, du coup, il m'a dit, bon, ok, tous les jours. Voilà. Écoute, on verra ce que ça donne tout à l'heure. On est avec Aurélien Biongo, qui est bruiteur de cinéma. Je prononce à l'italienne. Bah, il faut. T'es italienne ou t'es espagnole, toi, Biongo? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est bien. Tu as un nom à consonance. Mais c'est plutôt latine. Italien. Italien. Eh ben, salut les Bianco. Salut tous les Bianco. Ciao. Alors les Bianco. Maintenant c'est Aurélien qui est là ce soir. Tu vas nous faire un bruitage, des bruitages, en fonction de ce que je dis à l'hôtel, d'accord? Ah, d'accord. Je vais dire par exemple. Alors je vais dire le premier comme ça t'as le temps de te préparer. Je vais dire. Attends, ne le fais pas à l'antenne. Hein. Tout de suite on va attendre qu'on soit dans le jeu. Mais je t'explique juste pour que tu attrapes tes trucs. Je vais demander s'il y a un parking parce que je viendrai avec ma voiture. Et là si tu peux faire un petit bruit de crissement de pneus avec un klaxon, un truc comme ça, d'accord? Ok. Allez, très bien. On y va, c'est parti. Restez avec nous, Jordan, hein, d'Albert. Là. Ouais, ouais. Dans le 80, la ville d'Albert. Ouais, en Picardie. La résidence de France, Bruno, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis bien à l'hôtel, là? Alors, vous êtes à l'hôtel résidence de France, oui. Très bien, j'aimerais réserver une chambre, est-ce que c'est possible? Pour quelle heure? Alors, ça serait pour la semaine prochaine, mais excusez-moi, j'ai une question. Il y a un parking dans l'hôtel parce que je viendrai avec ma voiture. Alors, on a un parking. Vous m'entendez, monsieur? Je viens de garer ma voiture. Allô? Oui, je vous entends. Je vous disais, oui, on a un parking qui est en supplément à 10 euros. Très bien. Et pour les motos, est-ce que c'est possible aussi, monsieur? Tout à fait. Oui, c'est possible. Attendez. Je l'arrête. Allô? Oh non! Il a un Ok! Ah, c'est normal, il a senti la couille, là. Il a senti la couille. Alors, attends, vas-y. Et t'as réussi à attraper. C'est marrant, je vais vous dire après comment il fait. C'est fou, hein. Gastronomique de Gordon Ramsay, le pressoir d'argent. Allez, les mouches là. En ligne, nous allons donner suite à votre appel. C'est trop marrant, il attrape en direct, j'adore. Welcome to Intercontinental Bordeaux Le Grand Hôtel. Discover. Dites-moi par SMS, hein, si vous voulez que ça ressemble. C'est là. And Gordon Ramsay's gastronomic restaurant, Le Pressoir d'Argent. Le Gordon. Keep on the line. We will ask you to call shortly. Hôtel François 1er, bienvenue. Attends, il s'appelle Gordon Ramsay, l'hôtel? Nous allons donner suite à votre appel. Mais c'est pas un animateur télé, Gordon Ramsay? Allô? Hôtel François 1er, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça serait pour réserver une chambre, s'il vous plaît, monsieur? Pour quand? Alors, ça serait pour mardi prochain. Il y a pas trop. Vous êtes à La Rochelle, hein, c'est ça, dans le 17? Oui. Il y a pas trop d'insectes en ce moment, parce que ma femme déteste les mouches. Non, il y a pas d'insectes en ce moment. Ça va. Il y en a partout là chez moi là. C'est une vous entendez les mouches, c'est une infection. Ouais, j'entends, ouais. C'est insupportable, monsieur. Alors attendez, les animaux de compagnie sont acceptés ou pas? Parce que je viendrai avec mon canard. Allô, monsieur? Ah, vas-y, continue. Oui. Attendez, excusez-moi. Il y a un bar dans l'hôtel parce que ma femme adore le champagne. Oui, il y a un bar. Je vais déboucher une petite bouteille de champagne d'ailleurs. La bouteille est à 100 euros. Je vais déboucher une bouteille de champagne. Ok, superbe, très bien. Alors oui, j'ai une autre petite question, merci beaucoup. Attends, est-ce que j'entends ma femme qui arrive dans le couloir justement là? Attendez, elle arrive, elle est au bout du couloir. Bah, c'est pas. Elle a des gros sabots, je peux te dire, mon gars. Je vous ai cramé. Hein. De quoi tu nous as cramé? Je vous ai cramé. Hein. C'est-à-dire? C'est qui vous êtes? Hein. C'est qui? J'en sais rien, mais ça doit être Énergie, une connerie comme ça. Là. Gagné. Si tu me sors mon nom, je t'offre pas un iPhone 7. Ah bah c'est Guillaume, c'est ça? Ah putain, je t'offre pas un iPhone 7. C'est quoi ton prénom, frérot? Moi c'est Mathéo. Mathéo, putain, j'étais avec Aurélien qui est bruiteur de cinéma et qui est venu ce soir pour nous. Ah, il est fort, hein. Pour essayer de suivre un jeu des hôtels et de faire les sons et tout. Mais vous savez quoi, je suis veilleur de nuit depuis un mois. Ouais. Et je me suis dit, je vous ai écouté hein, plus jeune, hein, et je me suis dit, je peut-être qu'un jour ils m'appelleront. Ah c'est peut-être. Vrai, ton vœu est exaucé. Ce soir. Et t'avais reconnu direct en vrai ou pas? Ah oui, je vous ai cramé à la deuxième phrase. C'est vrai. Ah, fais chier. Bon, bah, on t'embrasse, Poto. Hein. Et bon courage, hein, du coup. Ton prénom, tu m'as dit que c'était quoi? Mathéo. Jusqu'à quelle heure tu bosses, Mathéo, toi? 8h du matin. 8h, très bien. Bon, bah, je te fais une bise, mon pote. Bonne nuit. Merci beaucoup. Bon courage. Ciao, Poto, ciao. Putain, et les bouches, c'est impressionnant. Ah ouais, c'était ouf. Et attends, et le bouchon de champagne aussi. Ouais, très bien. Putain, c'est dingue. Bravo. Attends, on continue. À votre avis, je le fais avec quoi, le bouchon de champagne? De quoi? À votre avis, je le fais avec quoi, le bouchon de champagne? Ah, bah, j'ai vu, moi. Avec une seringue. Ouais, t'imagines? Attends. Tu rappelles le même. Ah merde. Excuse-moi, Mathéo, je t'ai rappelé quand même. Excuse-moi, Mathéo, bisous, bon courage, bonne nuit. J'ai pas le cheval, saute-le. Ah, le cheval, ok. Il est mignon, Roberto, bonjour. Oui, bonsoir, Roberto, vous allez bien? Oui, et vous? Ouais, très bien. Ça serait pour réserver une chambre d'hôtel, s'il vous plaît, monsieur? C'est pour quelle date, monsieur? Ce serait pour mercredi soir. Alors, mercredi soir. Alors, parce que ma femme vient en talon. Vos allées sont bien nettoyées, il n'y a pas de feuilles mortes, parce que ma femme déteste les feuilles mortes. D'accord, juste pour vous dire, monsieur, malheureusement, le mercredi 21, on l'est déjà complet. Ah, attendez, parce que je marche dans les feuilles mortes. On est partout chez moi, c'est une horreur. Vous avez des placards, vous, pour ranger mes épées? Parce que je suis moi-même chevalier de la Légion d'honneur, je marche toujours avec mon épée. Juste pour vous informer, monsieur, que le 21 mercredi, on est fermé. Ah, vous êtes fermé, d'accord, très bien. Parce qu'on a déjà complet, c'est pour ça. Il y a un restaurant, on peut manger de la viande, parce que ma femme adore manger un bon steak. Ouais, pas de problème, monsieur. Je suis en train de manger un steak, merci, monsieur. Vous avez de la chantilly, vous? Parce que ma femme adore tout ce qui est à base de chantilly. Alors là, je peux vous dire. Très bien, ouais. Il y a des cheminées dans les chambres pour faire un bon petit feu de cheminée ou pas? Tout à fait, monsieur. Ouais. Ah d'accord, très bien. Je suis moi-même au bord d'un feu de cheminée. Vous entendez, oui. Non, voilà. Et attendez, je n'ai pas fini. Hein. Vous allez me faire la chambre gratuitement, monsieur? Parce que moi, j'ai moi-même un pistolet. Je veux bien vous dire, monsieur, qu'il est déjà complet. Je fais moi-même du tir en club. Je suis au stand, excusez-moi. Très bien. Je vous laisse patienter qu'il me l'appelle. Parce que l'autre fois, j'ai découpé un réceptionniste qui m'a contrarié. Hein. C'était pour le mettre dans mon jardin. Je découpe des corps de réceptionniste. Non, non. Attends, et juste, Julien, est-ce que tu peux le rappeler, s'il te plaît, là? Elle a plus le micro. Non, pour dire que c'était une blague, parce que quand il a fait j'ai un pistolet, peut-être qu'il va appeler le plan Vigipirate. et qu'on déclenche pas le truc. Trop drôle, le jeu des hôtels. Et allez-y, hein, Guillaume et votre texto au 612. Allez-y, dites-moi comment vous trouvez. Ça, c'est un super plaisir, vous êtes trop bien. C'est trop réaliste, c'est trop bien fait. Salut, bisous, Eddie 91. Une grosse pensée aux amis et à la famille de Julien, mon pote qui est entre la vie et la mort. Gros bisous, hein, bon courage à vous, les copains. Guillaume et votre texto, là, si vous voulez réagir, pareil. Hein, Guillaume et votre message. Ma nièce de 6 ans, c'est le sosie de Mimati. Salut à Jimmy de Dieppe, Guillaume et votre message au 612. Ah, t'as trouvé le cheval? Ouais. Ah, très bien. Alors, attends, on fait le cheval. Et bien après, on va faire une histoire. Putain, c'est énorme, ça. C'est bien fait quand même, hein, c'est fou. Hein. Attends, merde, vous savez quoi? Il y a la pub, j'avais pas vu. Ouais, on se retrouve juste dans 2 minutes et on va faire une histoire. Comme si j'étais dans Walking Dead. On va se refaire un moment de cinéma avec des sons en direct à la radio juste après ça. Un pour tous. Non mais j'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires. L'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Ah, c'est trop bien. Avec énergie. It's music only. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Julien Télouk. C'est un truc de fou. J'adore. Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouille. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis, ça va être du lourd, ça. Team Game One, c'est tous les mercredis en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement. Et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi? 99€ par mois. Alors là, je m'y vois déjà.

le monde est réuni dans Guillaume Radio 2.0. De 22h à minuit sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie. Bonne soirée les gars. Il va être l'or, monseigneur. De faire l'histoire de Walking Dead avec Aurélien qui est bruiteur de cinéma. Alors on a pas rajouté volontairement d'ambiance sonore et tout ça pour vraiment laisser faire, etc. En sachant que c'est impossible en vrai d'attraper les accessoires aussi vite qu'il le fait et tout. On va faire une histoire comme on fait avec des sons qu'on est dans l'époque de Walking Dead. Comme s'il y avait eu un virus sur Terre, etc. J'ai un stagiaire, tu vas jouer un zombie un personnage de Walking Dead. D'accord. JM du standard aussi. Avec plaisir, Guillaume. Et Flo des cadeaux aussi. Ok. Ah. D'accord. Ouais. On va voir un petit peu ce que ça donne. Il me faut une femme. Ça va être, je sais pas, je verrai sur le moment. Ouais. Je verrai qui peut faire la femme le mieux. Là. Salut Guillaume, énorme le jeu des hôtels juste avant. Excusez, j'ai eu des emmerdes avec le jeu des hôtels. Ah oui, bah oui. Ah bah oui. Ah bah. Ah ouais. J'ai failli prendre 22 000 euros d'amende et je suis passé en appel au procès. J'ai été relaxé heureusement pour un mec qui avait porté plainte contre eux parce qu'on l'avait appelé trois fois. Ouais. Ma copine aussi suit son pouce. Elle a 28 ans. Bon, on va t'appeler tout à l'heure, on va en parler. Est-ce que vous avez déjà eu des emmerdes? Salut, dommage que ça ne dure pas que 2 heures l'émission. Ça dure que 2 heures. Salut Johnny Depp. Salut. Il faudrait que vous fassiez les défis où vous faites des manèges à sensation. Mais le problème c'est que des manèges à sensation à 23h, chérie. Ah ouais, Ma nièce de 6 ans est sous une nuit, merci. On sort avec mes cousines de TPMP. Bonne chronique, big up à l'équipe. Salut frérot, bah, c'est gentil. Salut, hein. Bisous. Je suis désolé, j'ai arraché les cheveux du jeune stagiaire pendant que j'ai enculé. Ah non, non, c'est quoi ces messages de merci, Seigneur Routier qui rend service. Oh, bah, le routier. J'encule en fourgon un poisson. Il encule, d'accord. Okay, les messages. Jeune stagiaire, c'est fait. Il s'est rien fait. Sodome au milieu des truites. Tout va bien. Salut d'ailleurs, les. Tous les poissonniers et tout ça, grosse dédicace. Je sais qu'il y en a plein qui écoutent, tous les routiers qui bossent la nuit. Bon courage à vous, les gars. Si vous avez cours demain matin, on va retrouver tous vos messages. Il y a Roukaya qui a appelé de Verviers qu'on va retrouver dans 2 minutes. Tu m'entends, Roukaya? On va te prendre à l'antenne. Voilà. Tu m'entends? Ah, vous allez bien? Vous allez bien? Qui, papa? Voilà, on va le faire après. Hein. Roukaya qui est là. Et Ambre, 18 ans, tu bouges pas aussi, Ambre? Ouais, pas de soucis. Salut. Wow. Pas de soucis. Ok. Pas de soucis que du problème. Non. On va prendre toutes vos réactions, mais d'abord, on va continuer. T'es prêt, Aurélien, ou pas, qui est bruiteur de cinéma? Je suis prêt. C'est bon pour toi. Allez, il s'est reculé, il a mis le micro sur les objets qui lui permettent de faire des sons. Allez, c'est parti avec l'équipe, on va essayer de faire une histoire. Allez. C'est énorme, j'adore. Attends. Nous sommes en 2016. La planète a été décimée par un virus. Nous sommes les derniers survivants. Je m'appelle Rick Grimm. Je suis avec Daryl. Hey Daryl! Ouais Rick! Viens! Je te suis. Je suis avec Michonne. Michonne, la fille, viens! Ouais! Je suis là, t'inquiète pas. Viens. Attends, viens, marchez avec moi, suivez-moi. Ouais, on te suit. Avançons dans la forêt. Même s'il y a beaucoup de feuilles, poussez-les avec les pieds. Attends. Attends, Daryl. Ouais. Regarde là-bas. Ouais. Il y a une moto. Tu sais quoi, prends-la et on se rejoint près de la maison qui est là-bas. Ok, j'y vais. Ok, toi, Michonne, tu viens avec moi. D'accord, je te suis. Attends, Daryl, regarde si elle démarre ta moto et on y va. Attends, j'essaye. Mais ça, c'est bon. C'est bon, il est parti. Il n'y a pas eu le bruit de crissement de pneus. Il est parti, c'est bon, on peut y aller. C'est énorme. On va s'approcher à pied, on va voir le chemin pour Daryl. On part en éclaireur, on pousse la feuille. Attends, c'est bon. Daryl ? Ouais. Daryl ? Ouais. Viens, c'est bon, là. Ça n'a pas l'air de bouger, là. Non, il n'y a pas personne. Ouais. Attends, on est près de la maison. Tu sais quoi, Michonne ? Ouais. Michonne ? T'es sûr de toi, là ? Michonne ? Oui. Tu vas sonner à la porte, ok ? J'ai peur. Tu vas essayer d'attirer les rôdeurs, les zombies. Non, j'ai peur des rôdeurs. Et quand on voit que les chemins est libre, on rentre, ok ? Ok, j'y vais, vas-y. Allez, vas-y, sonne ! Allez, j'y vais. Reste près de moi. Allez, rentre. C'est bon, ça n'a pas l'air de bouger. Il doit y avoir personne. Vous êtes prêts, toi ? Rentre en premier, ok, vous me suivez. Hein. Ouais. Oui. Chacun court au l'autre. Michonne, sors ton épée. Sors ton épée, Michonne. Je la sors, tiens. Vas-y. Allez. Bon, c'est pas grave, oublie l'épée. Je la fais tomber, c'est pas grave. Attends, moi je cherche mon arme alors. Je cherche mon arme à feu. Allez, passe derrière moi, c'est bien. Vas-y. Ok, tenez-vous prêt. Je vais ouvrir la porte, ok, restez vigilants, on sait jamais. J'ouvre la porte. Regardez bien dans le coin là. Ouais. Ils peuvent être partout, hein. Vous oubliez pas les rôdeurs là. Ouais. Si on reste ensemble, tout se passera bien. Putain, j'ai peur, mon cœur qui bat fort. J'ai mon cœur qui bat. Tu bats fort. Allez, merci Michonne. Oui. La zone est libre, venez. On va en profiter pour faire une pause. Daryl ! Ouais ! Daryl ! Ouais ! Allume un feu direct. Direct, ok. Attends, Glenn ! Glenn ! Ouais ! Glenn ! Ouais ! Viens là, aide-nous à allumer un feu. Je vais prendre des bûches. Allez, vas-y. Ça prend. Ouais, c'est bon. C'est chaud. Je transpire. On a bien fait de se mettre à l'abri pour la nuit. Je pense que la pluie va pas tarder à tomber. J'entends déjà le tonnerre qui gronde au loin. T'entends le tonnerre ? Qu'est-ce qu'il y a, Michonne ? J'ai peur. T'inquiète, tiens-moi la main. Je t'en supplie. Je vais en profiter pour fouiller la maison des bains, avoir quelque chose à manger. Je vais aller faire un tour d'ailleurs dans la cuisine pour voir s'il ne reste pas quelques conserves. Non, il n'y a rien. Ok, je peux rentrer. Très bien. Attends, tout a l'air vite. Je pense qu'il va encore falloir se passer de nourriture. Ah, oh, merde, putain. Ah, il y a... Daryl ! Ouais ? Michonne ! Ouais ! Glenn ! Qu'est-ce qu'on fait ? Glenn ! Ouais ! Viens ! Faut l'aider ! Aide-moi, putain, je me suis fait mort, j'ai plus qu'une seule solution. Michonne, faut que tu me coupes le bras. Non ! J'ai un garrot ! Prends ton épée ! Je peux pas ! Ben, Glenn ! Glenn ! Je te tiens le bras ! Glenn ! Prends ton épée ! Je peux pas ! Coupe-moi le bras ! Attends, attends, attends, attends ! À la une ! Je pourrais toujours me débrouiller avec un bras en moins. Daryl ! Ouais ? Donne-moi un morceau de bois que je puisse mordre. Tiens. Ouais. Ok, Michonne, c'est bon, vas-y. T'es sûr ? Faut que je parte par la porte. Glenn ! Ouais ! Glenn ! Ouais ! Glenn ! Ouais ! Glenn ! Ouais ! Glenn ! Mais vous me faites peur ! Glenn, viens ouais. Vers moi. Pousse les feuilles, on part dans la forêt. Ça va aller sans ton bras ? Ouais, bah du coup, je me sens un peu de Jamel. Viens ! Arrête ! Viens avec moi ! Avec moi ! J'arrive pas à marcher ! Regarde là-bas, un cheval. Ah, attends, je vais... Ah, il y a un cheval qui est arrivé ! Ah, ça doit être Daryl ! Le cheval ! Ouais. On dirait du tout. Ah, c'est un. Hey, j'aimerais bien tirer un coup de feu. Est-ce qu'on peut tirer un coup de feu? Attends, j'ai un revolver. Il ne me reste qu'une balle. Je vais essayer de tirer un coup de feu, on va voir si ça va marcher. Il y a un zombie qui arrive droit sur nous. Il y a peu de coups de feu. Il y a peu de balles, mon gars. C'est pas grave. Ah, si. Ah, oui. Ah. On peut pas Allez, merci, Bravo, Henri. Bravo, énorme. Bravo. Bravo. Oh, je suis désolé, j'ai un peu... De quoi ? J'ai un peu sali... Putain, le bruit le studio. Du... Ah, ouais. Ah le bras, c'était... Salut, dis-nous par SMS, Guillaume, et votre message aussi, sauce 12, là. J'ai un stagiaire, t'es gênant, comment tu peux faire un peu ta gueule ? Non. Non, il était une belle femme, attends. Le stagiaire, il joue trop mal Michonne, putain. Ouais, je suis pas une femme. Elle est pas aussi chiteuse que lui. Ah. Mort de rire, on aurait cru que le stagiaire se faisait dans son imitation. Il me reste salope même quand il ne veut pas. Salut, je vois 6-2, là. Ça, c'est méchant, ça. Je viens d'appeler la radio, il y a quoi, j'appelle les flics. Vous êtes encore avec Walking Dead et JM, c'est un rôdeur tout dégueulasse. Cédric de 53. Salut. Comment vous avez trouvé les sons où il y a passe derrière, là ? Guillaume et votre message, là, au 612, dites-nous par un message, je vais lire vos petites dédicaces qui arrivent, là. Comment vous avez trouvé le truc, là ? Attends, c'est pas mal le son du bras. Ouais. Coupé. Attends, tu peux le refaire ou on peut plus ? Ouais, ouais. Avec le céleri. Ah, ouais, attends. Ah, oui, ça sent le céleri, là. Ouais. Ah, ça sent mais le dis pas, je me sens. Ah, tu me caches. Franchement, c'est dingue, hein. Ah, ouais. Attends, on va. Ah ouais. Ça marche bien ça. Hein. Ah, ça fait mal au bras. Ah, c'est génial quoi. Bon, c'est avec du ouais bah c'est du céleri. Hein. C'était vraiment trop bien, énorme. Salut les 91, il fallait faire rentrer Negan. Ah ouais, le méchant. Ouais, ah ouais, mais la Walking Dead là. Je voulais trop continuer. Salut Fantine Gauthier. Ah ouais, mais bah, alors on aurait pu continuer longtemps. Ah ouais. Hein. Après c'est juste qu'il faut vraiment la camionnette entière. Ah ouais. Et on n'a pas pu faire le coup de feu, il y a eu un petit problème mais il y a pas de balle. Attends, et c'est pourquoi tu as une enfin je sais pas si on peut te dire. Attends, parce qu'il y avait des sons qu'on n'a pas fait pour l'hôtel. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'on avait pas fait ? Un verre qui casse. T'es obligé de casser un verre ou pas ? Alors non, je peux normalement arriver à faire le bruit du cassage de verre sans casser le verre. Alors vas-y, on va essayer. Ouais, vas-y, attends, ça c'est marrant. On est avec un bruiteur de cinéma qui essaie de nous faire des sons à la radio, c'est énorme. Fais attention à toi, hein. Ah ouais, t'as fait pas mal, Ne coupe pas, hein. Ah ouais. Non, mais normalement ça devrait marcher. Faut pas que je prépare un petit peu juste. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Attends, je coupe ton micro deux secondes en même temps que tu t'entraînes. Après, il y a une locomotive de train qu'on n'a pas faite. Ah ouais. On avait dit qu'on le ferait et on l'a pas fait. Il faut être à plusieurs. Ouais. D'accord. Faire tous ensemble. Ah, c'est marrant ça. Putain. Et ça, c'est rigolo hein, quand même. Ouais. J'ai un stagiaire à la même voix que quand il s'est fait gangbanger chez Jackie. Non. Greg du 13. Guillaume et votre texto au 612. Hein. Je suis mort, le tonnerre. Trop bien. En fait, j'étais mort d'un. Salut Céline. Alors. Vas-y, là tu peux casser le verre, c'est ça, bruitage de cassage de verre. Allez, je vais essayer. Vas-y, t'as fait pas mal. Non. Attention. Ah, ça marche pas. Ah non, ça marche pas. Je vais essayer, Ah, c'est ça, vas-y. Vous pas vaincu. Il a pas dit son dernier. Attends, en même temps, là on fait des trucs, normalement ils ont du temps pour les faire. Oui, hein, bah c'est, oui. Est-ce qu'il arrivera à faire le bruit de Julien Stagiaire qui se fait pseudo? Oh, ouais, non, ça c'est. Non, il peut pas. Ça, t'es prêt? Vas-y. Il y a un petit truc. Et il est pas cassé. Et il est pas cassé. Très bien. Attends, et le bruit de la locomotive alors, tiens, pour terminer. Ah ouais, on veut le faire. Avant de se dire au revoir, avant qu'on parle de sexe après, Guillaume et vos messages aussi, 11-12. J'ai déjà, c'est vraiment une catin avec sa voix de merde. Je sais pas ce qu'il y a, je vois les messages, je les lis. T'as vu, tu es extrêmement. Je suis désolé si j'ai gêné l'histoire, mais. Tu es vraiment populaire ce soir, j'ai Oui, je vois ça, ouais. C'est tellement réaliste, c'est fou, j'aimerais bien. J'adore, on se croit au ciné, ils sont tarés dans cette émission, j'en peux plus. Salut Phénicia. Salut. C'est énorme l'histoire de Walking Dead, j'ai l'impression que c'était réel. Salut à toi. Alors, attends, comment on fait alors? Comment on fait pour la locomotive? Tu veux qu'on se... Ah, moi je fais ça. Non mais moi je peux pas poser rien. Devant le micro, tu vas le secouer. Ok. Ah ouais. Bon, déjà on a une base. Parce que c'est ça l'art du bruitage. Le bruitage, c'est de la superposition de sons et voilà. D'accord. Alors, attends. Moi je vais faire. Moi j'ai une, pour vous expliquer, j'ai un paquet de cornflakes dans mes mains qui est fermé. Un paquet de cornflakes de base, hein, vraiment. Ok, d'accord. Aussi, je viens de stagiaire. Alors toi t'as une boîte Jack Daniels. De whisky, voilà, que je vais agiter. C'est pas du whisky, non, c'est des. Je pense des grains de café. Ouais, je pense aussi. Ou du riz. Comme ça, ou du riz, des petits trucs. Oh là, il a carrément. Il a deux grosses caisses en fer et tout, quoi. On va essayer de faire le bruit d'une locomotive, vous allez nous dire si on y arrive ou pas, quoi. Au top Walking Dead, Aurélien, il gère, c'est super. C'est qu'il fait aussi croire. Ah, c'est gentil, les gars. Guillaume et vos messages aussi. 612, hein. Vous pouvez balancer des petits messages et tout, ça fait plaisir, les gars. Comme ça, vous commentez un petit peu l'émission. Hashtag Guillaume Radio si vous voulez commenter aussi. Hein. On a besoin encore d'autres choses, c'est ça là. On a encore besoin de. Oula. Ah, il y a une grande plaque en fer. JM du standard. Ouais. Prends la grande plaque en fer. Putain, il a du son, c'est énorme. Il a un truc, c'est le. Comment ça s'appelle ça? C'est pour la batterie avec le pied. Ouais, c'est un kit de batterie, mais fabriqué avec des instruments de récupération. Ah oui, d'accord, c'est toi qui l'as fait pour toi, quoi. Voilà. Limite, Flo Descadeaux, on dirait il fumait son pétard ou je sais pas quoi, ça. Comment tu fais pour une cigarette qui s'allume? Vous êtes obligé de prendre une vraie cigarette pour ça, non? Non, je le fais avec ma barbe. C'est vrai? Ouais. Vas-y pour voir, bruit de cigarette qui s'allume. Ah ouais. La cigarette qui se consume. Putain, la cigarette qui se consomme. Putain, c'est ouf. C'est pour ça que tu te laisses pousser la barbe, rien à voir. C'est un peu ça, ouais. C'est vrai? Non, mais ça aurait pu t'aider. Ouais, alors, attends, vas-y, tu nous dis. Alors, on doit le faire tous en même temps, un rythme régulier? Alors ouais, on va tous prendre un même rythme. Ouais. Et puis c'est génial. Et il fait quoi, Jim Sandar? Bah, il vous suit avec le. On va synchroniser. Ah ouais. Attention, putain. Vous êtes prêts? Vas-y, alors attends. 3, 2. Va pas trop vite. 3, 2, 1, on y va. Attends, mais il me faut un klaxon de train là. On l'entend pas, accélérer. Le train. Je crois qu'il est vrai. Attends. Ah, tu l'as. Ah, bravo. Ah, mais le mec il pense à tout, quoi. Attends, le refus en fait. C'est énorme. Et je vous fais une vidéo, vous allez kiffer. Hein. C'est Abraham. Énorme le bruiteur de cinéma ce soir, encore une fois plus vous déchirez. Salut au groupe Volupal, salut mon gars. Salut. J'écoute souvent Jimmy de Dieppe, je peux avoir son numéro, Céline de Dieppe, salut frérot. Guillaume et votre message hein, aussi 11-12. Comment il fait le bras cassé? Il casse une plante en fait, voilà. Enfin il casse un légume. Et de il est super doué. Et de la peau de chamois. Ah ouais, de la peau de chamois mouillée. Ah, la chair, genre. Ah ouais. Ah, ça fait un peu genre tu bouffes le zombie, quoi. Attends, on se refait un peu la. Allez, ou quoi? Attends, et après tu fais le petit klaxon et tout. Attends, 3, 2, 1. Bravo à vous. Ah là là, non, c'était, c'était énorme. C'était est-ce que à l'antenne, dites-nous par message, est-ce que à l'antenne ça rendait vraiment. Non, mais alors là, avec le. Franchement, on avait chacun. J'ai un stagiaire, une petite boîte en fer, moi, un paquet Cornflex. JM du standard, une grande plaque en fer. Une boîte, pardon. En fer. Et Aurélien, il avait. Une sorte de caisse à outils, une sorte de caisse à outils avec avec un petit kick de batte, un petit kick de batterie quoi. C'est des grands malins, mais c'est ça qui est bon. Salut Nico de Manion avec ça. Salut mon gars, c'est dans 95, super émission. Salut. J'adore. Salut Jessica du 2A. Le bruit, on aurait dit un stagiaire, merci beaucoup. Non. Voyez, alors attends, ça rendait de ouf, Guillaume. Ah, merci beaucoup. Trop fort le bruiteur. Je suis fan à refaire, Bonnie du 93. Ah, salut Bonnie. Sur la fin, ça rendait hyper trop bien. Merci beaucoup. Ah, c'est marrant ça. On sait faire le train. Roukaya et Ambre qui êtes là, Chérie, vous m'entendez? Ouais. Ça rendait bien la locomotive à la fin ou pas? Ouais, franchement, c'était ça. Ah, je peux te dire, on y a mis tout notre amour. Ah bah là, énorme, les gars, vous êtes des super élèves. Ouais, c'est merci. Mais attends, tu sais quoi, ça aurait été énorme. Attends, en plus, j'avais les jingles SNCF, putain, j'aurais dû prévoir ça. Ah là là, il est là. La refaire, putain, regarde ça. Je veux le refaire. C'est la réalité. Attends, on fait le temps. Attends. Vous êtes arrivé à Andalou. Je mets des vrais sons. On leur fait une vidéo. Un plaisir de t'avoir. Ensuite sur Energy Station. Merci Fab du Z3. J'espère qu'il n'y aura pas les contrôleurs. Merci. Il est malaisant. On s'est regardé. Il est malaisant, j'espère. J'aime ça. Ouais, sérieux, c'était trop. Allez, vas-y, on le refait. Attends, je mets le truc et on démarre doucement. Truc. Vous êtes arrivé à Hendaye, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Correspondance pour Saint-Sébastien par compagnie Euchcotrain dans la cour de la gare. Vous pouvez disposer dans notre gare d'une boutique presse, d'un service de location de voiture situé Putain, c'était énorme. Bon quoi. Ah, on s'y croyait le. C'est trop vrai, dédicace à Paul Paturo 91. Salut les gars, est-ce que JM du standard peut faire un réacteur d'avion avec son nez? Bonsoir à toi. JM du standard, tu n'as même pas fait ce que tu sais faire. Et on savait. Parce que JM du standard, il sait faire ce que t'as fait pour la chantilly. Ouais, j'en ai entendu parler beaucoup. Ah, c'est vrai. Vas-y. Il le tient quand même. Comme ça? Non. Ouais, mais. Plus ton doigt à l'intérieur. Ah ouais? Ah ouais, c'est fort là. Vas-y. Non, là tu fais la même chose. C'est déodorant lui. Ouais, mais tu veux faire déodorant. Ouais, en fait, on met de la salive à l'intérieur. Et sinon, je sais faire aussi le bouchon de champagne. Oh ouais, non. Tout le monde sait le faire ça. Regardez. Regardez la différence entre un blair et un vrai. Non, ouais, attends. Ah normal. Ah ouais, c'est son métier. C'est vrai. Ah bon, ça c'est bien ce que tu fais. Au top tous les bruitages, c'est énorme. Manda, vous êtes des gamins, ça marche de ouf les gars, putain trop bien. Merci beaucoup en tout cas, man. Aurélien Bianco. Ouais, alors qu'est-ce qu'on peut dire de toi là? Qu'est-ce qu'on peut faire ta promo? Ah oui, t'as un groupe de rock, si tu veux qu'on aille voir. Ouais. Allez voir sur internet du coup tout à l'heure. Là. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Vicious Chronicles. Ouais. Et on sort un EP bientôt, dans deux semaines, trois semaines. Groupe de rock. Groupe de rock, ouais, inspiré de Jeff Buckley, Radiohead. Bon bah très bien. Eh ben, on va aller mater ça avec plaisir, on passera un petit extrait. Super cool. This is Chronicles. Voilà, This is Chronicles. Et tu fais un spectacle de théâtre sur la musique de Claps, là, de Enrico Morricone. Voilà. Non, Ennio Morricone, rend hommage à Ennio Morricone, qui a composé les plus grands. Thème du western. Ah ouais, d'accord. Ah oui, et donc, du coup, avec des instruments de récupération, on fabrique des. Par exemple. Putain, c'est trop bien. Ah, je suis comme un gamin. Et comment on fait les sons comme j'ai ça? J'ai par exemple un trombone donc, qu'on a fabriqué avec un tuyau en PVC. Ah, c'est une. Ah ouais, c'est un tuyau en plastique? Non. Ah, et voilà, on peut faire de la musique avec tout, vous pouvez fabriquer des instruments avec n'importe quoi. Ah, faites de la musique. Ah, c'est fou, quoi. Merci Aurélien, merci. Ouais, on se fait Frérot de la Vega, le cœur éléphant. Le nouveau Nicky Jam, après, on se fera, il déchire aussi. Et on va parler, est-ce que ça vous est déjà arrivé, pareil, de cacher les choses en couple, de ne jamais dire à quelqu'un un truc. Vraiment, il y a plein de trucs. Il y en a qui prennent des médicaments en cachette. Il y en a d'autres qui sucent son pouce. Il y en a d'autres qui font des branlettes en cachette. Ah ouais, bah ouais. Dire à la copine. On en parle. Guillaume, et votre message aussi. Sens d'eau sur énergie. Merci Aurélien. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Frérot de la Vega sur énergie. Poser sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Valent plus qu'une journée entière. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, de retour, on va se faire le juste prix, là, juste avant la pub. Après, on parlera de sexe et on va parler des choses qu'on cache en couple. C'est hyper intéressant, vous êtes hyper nombreux à appeler, les mecs. Merci hein, d'être là en masse d'ailleurs tous les soirs, là, Guillaume Radio 2.0. J'ai des PS4 à vous offrir, des iPad Air 2. Des tablettes Samsung Galaxy Tab. Ah, il y aura des iPhone 7 tout à l'heure dans le W8. Non, c'est demain dans le W8. Sinon, là, c'est PS4, iPad Air 2 et tablette Samsung Galaxy Tab A. Vous m'envoyez Guillaume et un chiffre avec votre numéro de téléphone dedans au 6-11-12. Je vous dis plus ou moins sur ma feuille derrière moi, là. J'ai marqué un chiffre. Je vais le montrer à l'équipe. J'aime ça. Est-ce que t'as un stylo? Ouais, j'en ai un. Tiens. Rouge ou bleu? Merci beaucoup. Le chiffre est très simple. Je le montre à l'équipe. Comme ça, il n'y a pas de triche. Ouais, j'ai vu, Guillaume. Je l'ai mis sur les caméras. Ah, c'est bon. Comme ça, après, on peut vous prouver que c'est vrai. Hein. Si un jour il y a un procès, je filme en direct. Ah, bah oui. Non, mais attends, exprès. On a la preuve. Guillaume, un espace, et vous mettez le chiffre que je cherche au 6, 11, 12. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Il y en a un qui me dit, est-ce que c'est 100? C'est moins que 100. Bah, direct, hein, tu vois. C'est, eh ben là, ça va aller très vite. Une chance sur 100, les gars. Bonne chance. De gagner une PS4 ou un iPad Air 2 ou une tablette Samsung Galaxy Tab. Ah, Guillaume, et le chiffre au 6, 11, 12, est-ce que c'est 50? C'est plus que 50? Une chance sur 50, une chance sur 49 de gagner du coup Guillaume et le chiffre avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. On prend le gagnant. Il y en a qui me disent est-ce que c'est 75, c'est moins que 75. Oh là là. On cherche un chiffre entre 50 et 75 juste après. Vous avez découvert 21 Pilots et Nash en écoutant Énergie. Grâce à eux, vous gagnez le nouvel iPhone 7. En place pour voir 21 Pilots au Zénith de Paris et le jeu FIFA 17 sur PS4. Dès que vous entendez le double hit avec 21 Pilots et Nash à la suite, hey, I'm Nash. Soyez les premiers à appeler Énergie 3937. Gagnez votre jeu FIFA 17, l'iPhone 7 ou le concert de 21 Pilots le 17 novembre au Zénith de Paris. Pop, R&B, dance. Ici, c'est NRJ. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT High Tech.

On refera une émission avec Soprano. On va faire une émission jeudi avec Jeff Panaclock aussi. On a bien rigolé à mon avis avec Jean-Marc Le Singe. On va bien se marrer. Il y a Ambre qui a passé un petit coup de fil. Vous êtes hyper nombreux à nous appeler. On va parler des choses qu'on fait en couple mais qu'on cache. Est-ce que vous faites déjà des choses en couple sans le dire à l'autre? Tu m'entends, Ambre, 18 ans toujours. Ouais. Il y avait Ambre et Rukaya qui étaient là, les chiens, il y en a toujours. On va se finir. Ah ouais. Le jeu du juste prix juste après. Soukaya, Rukaya qui est au chiotte, hein, vous entendez. Il y a l'écho. Qui est parti faire caca. Et puis Ambre, on va se raconter un petit peu les trucs que vous cachez. Je sais, t'as déjà caché quelque chose en couple? Ouais, plein de fois. Mais moi, ce que je fais avec chaque meuf, c'est que je mène l'enquête avant de sortir avec elle, en fait. C'est je prends son nom et avec Facebook et les réseaux sociaux et Google, tu tapes le nom de la meuf. T'essayes de trouver le prénom de son ex, si je le sais, la gueule qu'il a, comme ça, si un jour elle montre une photo de d'ami à elle. Si je l'identifie, bah c'est la merde. Putain, il fait peur. Et ça, je le dis pas. Ah non, mais c'est important. On dirait un psychopathe. Bah non, mais parce que ça, mais il est ouf. Parce qu'au début, moi, quand je le connaissais pas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va sur le Facebook. Attends. Il va sur le Facebook des gens et il va voir tous les cousins, tous les oncles, tout ça. Et après, comme ça, au fil d'une discussion, quand tu t'y attends pas, il va te ressortir le prénom de ton cousin. C'est pour rigoler. Le nom de ton premier bahut, le nom de ta première meuf, des trucs. Mais je veux pas te pécho, toi, tu vois. Mais je m'en fous, mais je sais qu'il me l'a dit. C'est un peu psychopathique, ça. Non, mais quand tu sors avec une meuf, au moins tu sais qui c'est, la fille. Non. Bah, si. Tranquille, tu sais où elle habite, tu sais avec qui elle fait. Il a besoin de savoir la tête de son nez. Moi, il me le montrera lors d'un dîner. S'il veut me Mais si elle le montre pas, je préfère savoir à l'avance, comme ça, après, je suis fixé. Moi, j'ai pas besoin de savoir la tête de l'ex, déjà. Franchement, je veux pas. Après, si moi, je suis au bout de 5 ans, je dis, attends, quelle tête il avait? Et lors d'une discussion, d'un délire, un soir. T'as envie de savoir. T'as bu un verre de vin au repas, tu vas-y, montre-moi la tête de ton ex et tout. Allez, vas-y, je vais chercher une photo sur le net et tu lui montres, c'est marrant, flot des cadeaux. Non, mais ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va chercher les écoles aussi des gens qu'il connaît pas. Ouais. Et après, il va parler aux gens, il dit ouais, moi j'étais à l'école, machin, ici. C'est pour rire, ça va, c'est mignon. Et en fait, il s'invente une vie en fonction du mec qui est en face de lui. Ouais. Ça, c'est ça, ça fait passer le temps. Non, mais ça reste bon enfant. Ça fait un peu tueur en ça. Non, quand même pas, je te rassure. Non. Bah non, mais ça fait hyper flipper, moi. Si je vois un mec qui me fait ça, mais. Je l'ai pas fait avec toi, c'est bon. Ah ouais. Guillaume et votre message au 612. On cherche un chiffre, les gars. On se termine le juste prend en deux secondes. Ensuite, on va parler du jeune stagiaire et de son projet. Non, ouais. Repérer les fichiers S du jeune stagiaire, je rappelle. Ouais, c'est le seul fichier S qui fait de la radio. Hein. Non, arrête. Ça me portait malheur, ça. Jeune stagiaire, une fiche, Non. Il a une fiche, ça va. Il a une fiche. Une fiche T. C'est quoi T? Je sais pas. Fiche. Tranquille. Fiche taré. Non, ça va. Une fiche barlou. Non, mais. Attends. 50 à 75, les gars, on cherche un chiffre. Le premier qui me le trouve, je lui offre le cadeau. On fait une pause 10 secondes dans le jeu. Vous envoyez Guillaume et la bonne réponse au 612. Allez-y si vous avez trouvé. Je vous offre des PS4, des iPad Air 2 ou des tablettes Samsung Galaxy Tab A. On fait tous les soirs. Là, le premier qui me trouve le chiffre, il a gagné. Est-ce que ce serait 58? C'est plus que 58. On cherche un chiffre entre 58 et 75. Allez-y, hein. Guillaume est la bonne réponse. Guillaume est le chiffre avec votre numéro de téléphone dedans. Au 6. 11, 12, 61 112. Vous envoyez le texto. Faut bien commencer par Guillaume, mon prénom, sinon il n'arrivera pas dans le studio. C'est obligatoire pour qu'il arrive ici. Guillaume, un espace et le chiffre avec votre numéro au 612. Est-ce que ça serait 70? C'est moins que 70. Salut à toi, Benji du 42. Salut à Benji. Toi, 06 84 09 23, etc. C'est entre 58 et 70, les gars. Une chance sur 12. Allez-y maintenant, Guillaume. Et donc, la bonne réponse au 612. Est-ce que ça serait 66? Salut à toi qui a envoyé 66. Salut. Ton numéro, c'est 06 36 72 86. C'est moins que 66. Oula. Voilà. On cherche un chiffre entre 58 et 66. Les gars, à chaque fois, ça se rapproche. C'est le moment où il faut jouer. Hein. C'est vers la fin parce que c'est là que vous avez le plus de chances de gagner. Du coup, Guillaume est le bon chiffre au 612. On va prendre le logiciel pour savoir qui est le premier qui a envoyé le bon numéro pour pouvoir le rappeler et lui offrir le cadeau ce soir. Il y a trois cadeaux à gagner, des PS4, hein, les gars. On vous offre des iPad Air 2 ou des tablettes Samsung Galaxy Tab A. En deux minutes, qui suis-je? Entre 58 et 66. Est-ce que ça serait 60 piles? Salut man, c'est plus que 60 piles. Oula. On cherche un chiffre entre 60 et 66. Guillaume donc. Et la bonne réponse au 612. C'est moins que 66, j'ai dit les gars, il y en a qui renvoient 66. C'est plus que 60 et moins que 66. Une chance sur 5. Guillaume est la bonne réponse au 612. Qu'est-ce que ça peut être? 61, Guillaume. Je suis sûr. Salut Alex. Salut frère. Salut, bisous. Ah, je suis désolé que tu t'assures et tout, mais c'est plus que 61. On cherche un chiffre entre 61 et 66. Voilà, Guillaume donc est la bonne réponse au 612. Il faut vraiment commencer le texto par Guillaume. Le chiffre que vous pensez avoir trouvé et bien marquer votre numéro. Si vous n'avez pas marqué votre numéro et que vous avez la bonne réponse, je pourrais pas vous rappeler, les gars. Si vous êtes en voiture, en camion, c'est toujours le jour où on se dit ah, je joue pas, c'est une arnaque. C'est le seul jour où on aurait gagné. On a toujours l'impression qu'il y a 20 000 personnes qui jouent. parce que vous êtes 1,5 million à écouter, mais pas du tout. Il faut savoir qu'il y a très peu de gens actifs à la radio qui appellent, qui passent, qui réagissent, qui jouent. Il y en a très peu. Voilà, Guillaume donc est la bonne réponse. Et ce chiffre 612, est-ce que ça serait 63? C'est plus que 63. Guillaume a un chiffre entre 63 et 66. Qui suis-je? Bah, j'ai trouvé la bonne réponse. Est-ce que ça serait 61? J'ai dit que c'était plus. 62 aussi. Salut à toi. 63, ton chiffre, c'était 06, 09, 73, 82. On cherche un chiffre à peine au-dessus, entre 63 et 66. J'aime du standard. Prends le logiciel si tu veux bien. Allez, c'est parti, Guillaume. 64. Non, c'est pas 64. Ah bah. On cherche un chiffre entre 64 et 66. Très dur. Guillaume est le bon chiffre 612. Il est arrivé, vous l'avez compris, c'est le 65. Bravo. Il est arrivé. JM du standard, prends le logiciel, s'il te plaît. Je rentre le bon. Et sors-nous ce petit chiffre. Ouais. Cette petite merveille. Tu numéro de téléphone. Cette petite pépite. Ouais. 65, c'est quoi? C'est quoi? C'est ouais. L'espérance de vie en 2016 sur Terre, tout pays confondu. Ah, c'est rien. Sexe confondu. Ah ouais, c'est hyper faible, hein. Sexe confondu, donc fille, garçon, la moyenne, et dans le monde entier, donc dans les pays très très pauvres aussi où l'espérance de vie est beaucoup plus courte. Ouais. Je sais pas ce que c'est l'espérance de vie, je en France, qu'il y a des pays. Attends, espérance de vie, on avait pas fait à la radio ça? Ouais, en France c'est 80 ans pour les hommes, je crois. Mais on l'avait pas fait avec ça les pays. Un truc. Non, mais il y a quelques jours là. Non. Il y a genre une semaine ou deux, non? Ah non, mais il y a très longtemps. Ouais, là. Ouais. Est-ce que je vous dis espérance de vie? Et bien, on appelle le gagnant. 65, c'était le chiffre qu'on cherchait. Ouais. Ah ouais, putain, c'est impressionnant. D'après vous, c'est quoi le pays qui a le moins d'espérance de vie? Sans regarder, JM du standard. Regarde plus ton ordi. Qu'est-ce que tu branles là? Il triche, le mec, il triche. Je te jure, je. J'ai des tricheurs dans mon équipe. JM du standard, le pays d'après toi où il y a le moins d'espérance de vie dans le monde? Je sais pas, je dirais un pays d'Afrique, malheureusement. Je sais pas. Nigeria, peut-être, je sais pas. Toi, tu dirais Nigeria? Je sais pas. Je vais vous dire le Nigeria quoi. Nigeria, c'est dans les 10 pays effectivement où il y a le moins d'espérance de vie. 53 ans de moyenne. Ah, 52 jeune, pour les hommes, 54 pour les femmes. C'est rien, 52 ans. Ah ouais, 52 ans de moyenne. Hein. C'est-à-dire que t'as imagine. Autant de chances de finir à 70-80. Ouais. Ça fait chier ça. Je vais stagiaire d'après. Moi, je dirais l'Inde. Salut au Bruiteur de cinéma qui nous fait beaucoup. Voilà. L'Inde. Qui a rangé tout le matos Aurélien Bianco. Ouais. Ouais, je vais te dire l'Inde. Ouais, l'Inde. Et ben l'Inde. Il y a beaucoup de monde, ils sont un peu pauvres. Et ben non, l'Inde, c'est aux beaucoup soins plus au-dessus dans le classement. Ouais. Bah. L'Inde, c'est 65 ans, justement. Bah, tant mieux pour l'Inde, alors. Julia. Moi, je dirais genre un pays comme l'Ukraine où il fait bien froid. C'est l'Europe, l'Ukraine. Ah, non. Ça va. En plus, rien compris. La sécu là-bas, ça conserve le froid. L'Ukraine, c'est 71 ans de moyenne. Ah, tu vois. Salut les Ukrainiens. Salut. Aux Nigérians et puis aux Indiens. Ouais. Flo des cadeaux. Moi j'aurais dit plus en Amérique du Sud, genre la Colombie. La Colombie pour toi. Ouais. Attends, je vais vous dire la Colombie, les Colombiens. 74,6 ans de moyenne. C'est bien. Le pays le plus dur au monde pour vivre longtemps, c'est le Sierra Leone. Waouh. Ah ouais. C'est là où il y a les guerres des diamants et tout. Ouf, Sierra Leone, c'est quoi? Il y avait un truc qui s'appelait. Il y avait un dessin animé. Non, pas du tout. Leonardo DiCaprio. Blue Diamond. Exactement. Ouais. Les diamants du sang. Ouais, énorme. Et 47,5 et c'est 47 ans de moyenne d'âge pour les hommes. C'est peu. L'espérance de vie. République centrafricaine, c'est 47 aussi. 48,5 de moyenne. Ensuite c'est le Congo, la Somalie, le Swaziland, je sais pas où c'est, la Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau, le Lesotho, le Mali, le Tchad, l'Angola, le Mozambique, le Nigeria, Burundi, Zimbabwe. Et ensuite ça passe à Guinée équatoriale, Guinée, Zambie, Niger, 56 ans. C'est pas beaucoup, hein. On vous embrasse les mecs qui écoutent d'Afrique, là, gros bisous. Salut, les gars. Ouais. Le Malawi ensuite, voilà, le Congo, le Togo, le Burkina Faso, l'Ouganda, la Tanzanie ensuite, 59 ans en Tanzanie, le Liberia, 59 ans, la Mauritanie, 59 ans et demi, l'Afghanistan, 60 ans. Ça, c'est peu. De moyenne d'âge. Mais j'aurais pensé que c'était moins que la guerre actuelle. Bah, ouais, l'Irak aussi, non? Tu vois. Oui, Haïti, 63 ans de moyenne. Ouais. Alors que c'est l'endroit le plus, je crois, le plus pauvre, non? Le Botswana, après 66 ans. Le Pakistan, 67 ans. Ah ouais, Tu vois, le Pakistan, quand même, c'est chaud. Il y a des endroits au Pakistan, c'est chaud. Ouais. Ensuite, le Kazakhstan, 68 ans. Les Comores, aussi, 68 ans. L'Irak, 68 ans et demi. Attends, c'est pas la mal. France, j'aurais dit moins. La Micronésie, 70. Ah, je connaissais pas. Je crois que c'est. La Micronésie, la Polynésie, c'est pas la base. Non, la Micronésie, c'est pas le. La Micronésie, c'est pas un mini pays, en fait. Ils appellent ça, mais il y a 5 habitants, c'est pas les mecs sur une plateforme pétrolière, ils avaient pas appelé ça la Micronésie. Je sais pas. Il y avait pas un truc comme ça, non? Tape Micronésie, j'aime ça. Je regarde, c'est. En Iran, 73 ans et demi. Ouais. Y en a qui me disent l'Albanie, Guillaume. Non, 74 ans pour l'Albanie. L'Albanie, ça va. Si vous voulez me dire un pays, allez-y, hein, Guillaume, et je vous le dirai là. C'est un état général du Pacifique. Chez la Micronésie. Ah, mais je crois que c'est ça. C'est une île. Regarde une photo ou une map. voilà, on va avancer parce que j'ai une sorte de. Il va rester beaucoup qui va se mettre à loucher sur le Wikipédia. Mais c'est pas la plateforme, c'est pas ça. C'est Guillaume, la Colombie, on avait dit 74 ans. La Jordanie, 74 ans. Le Salvador, c'est vrai que j'ai dit Salvador. Ah oui, l'Amérique du Sud. 74,6 ans. Ouais, ça va. La Thaïlande, 74,9. Ça vit longtemps en Thaïlande. La plage. Les Vietnam aussi, là, 77. S'ils mangent bien, en fait, je pense. Je pense qu'ils mangent pas trop de merde. Ouais. Ils mangent pas trop de sucre. Ils boivent de l'eau. Ils mangent pas trop de bonbons. Ils sont sains. Ça se voit, ils sont sveltes. Qu'est-ce qu'il y a, Flo des cadeaux? Ils mangent vachement de trucs frits. Ah oui. Genre les nems, les beignets de crevettes et tout. Ouais. Mais tu sais que c'est vachement frit. C'est vachement frit, mais je pense qu'ils mangent pas toutes les merdes. Ils pêchent beaucoup, je crois. Et de McDo et de trucs. À mon avis, les McDo, ça ne rallonge pas l'espérance de vie. Ah bah là, chez nous. Ah ouais, la Chine, 76. Tu vois, tous les pays d'Asie sont au-dessus quand même. Ouais. Ils sont pas cons. L'Uruguay, les Émirats Arabes Unis, 79 ans. Bah forcément. Putain, c'est fou, on n'est pas numéro 1. Royaume-Uni, 81 ans en Angleterre. On parle d'espérance de vie. Il y a eu le classement là qui est sorti, là. Qui a été mise à jour. L'Autriche, 81 ans et demi. Ensuite, le Canada, 82,5. La Suisse, ça va, les Suisses, 82,8 ans. C'est confortable, la Suisse. Avec 85,4 de moyenne pour les femmes. C'est beaucoup. Les femmes, elles sont fortes. D'après vous, quel est le pays où on vit le plus longtemps au monde? Un pays du Nord. La France, je vais vous dire, la France. Ah. On a une moyenne d'espérance de vie pour les femmes de 85,4 ans. Et nous? Et pour les hommes, 5 ans de moins. C'est énorme en écart par rapport aux autres pays. 79,4. C'est parce qu'on est stressé, les hommes. Ouais. 79,4 pour les bonhommes. C'est ouf. On n'est pas mal placé. Ensuite, c'est on est 13e dans le monde. Ça y est, le classement a été mis à jour. Et le 1? Ensuite, c'est Hong Kong, Singapour, Japon, deuxième. Ouais. Le Japon, ils vivent 87,3 ans. C'est ouf. Ah, c'est bien ça. Et le numéro 1, qu'est-ce que c'est? Je vais dire la Suède ou la Norvège. La Suède ou la Norvège. J'aime Sandar. Pareil, franchement, j'aurais dit la Suède, je sais pas pourquoi. Alors, d'après vous, c'est quoi? On va voir les messages. D'après vous, tiens, d'après toi, Ambre, c'est quoi le pays dans lequel on peut vivre le plus vieux au monde? Tu m'entends, Ambre de Saint-Aubin ou pas? Ouais, je suis là. C'est quoi, d'après toi, le pays? Ouais, je suis là, je me la joue cool, hein, j'écoute PNL, j'écoute du Nekfeu, Guillaume, un bédo derrière l'oreille. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. Je voudrais sauver la terre, parfois. Je voudrais la voir brûler. D'après toi, le pays où on vit le plus vieux au monde, Ambre? Ah, je sais pas. T'as pas une idée? La Finlande? Non, c'est pas la Finlande. Ah. Roukaya, toi qui es aux toilettes là. Roukaye, tu m'entends, Roukaye? Roukayon. tu m'entends, ma chérie? Tu peux te rapprocher du téléphone, belle gosse là? Ouais. Voilà, enlève le haut-parleur, ma gueule, parce qu'on n'entend rien. Bah, j'ai parlé au haut-parleur. Bah, tu le dis gentiment. Calme-toi. D'après toi, le pays où on vit le plus vieux au monde? La France. Eh ben non. J'ai dit le 13e. Il y en a qu'on n'a pas dit par contre. Si t'avais pas écouté, ma girl. Qu'est-ce que c'est, j'essaie. Les USA, on n'en a pas parlé. Les USA, non. Eh ben non. Les États-Unis, non. Je pense que les États-Unis, on vit pas si vieux que ça. Ouais, je sais pas. Les États-Unis, c'est le 35e pays au monde. Ah merde. Ouais, 79,8. Et non, c'est Monaco, le pays où on vit. Mais non. C'est Monaco. C'est ça qu'il y a plein de personnages. 87,2 de moyenne. Et pour les hommes, c'est 85,3. C'est le plus dans le monde. À Monaco. C'est là que les gens les vivent. Même pas un pays, c'est une principauté. Et les femmes. 89 ans, c'est au-dessus de 2 ans par rapport au Japon. Voilà, on faut aller là-bas, quoi. 90 ans de moyenne à Monaco, c'est fou, un flot des cadeaux. Tu entre le premier et le dernier, la différence de ouf. Ouais, c'est fou, hein. 89 pour Monaco, t'as pour les femmes, et 48 ans pour le Sierra Leone. Ah, mais attends, Monaco, faut avoir de l'argent aussi. Ah, mais non, mais c'est sûr, mais. On habite à Monaco. Non, moi, c'est les Monégasques. Ouais, salut. Ouais. C'est plaisir, les mecs. Guillaume, je l'avais dit, j'ai pas bien écrit Guillaume. Il y en a un qui m'a envoyé Guillaume, il a écrit mal Guillaume au début. Il a enfin salué les Ukrainiens. Salut les Ukrainiens. Ouais, salut l'Ukraine. Allez, on parle de ça. Et d'abord, on appelle le gagnant JM du Sandar Appui sur le chiffre 65. C'est ça. Et on va faire tourner la roue des cadeaux. On va filer soit une PS4, soit on va repartir avec un iPad R2, soit une tablette Samsung Galaxy. Je sens que je n'ai plus. Et on se sent. Je marche sur l'eau. J'ai l'impression. Allô? Ouais, Guillaume, ça va? Ça va ou quoi? T'as l'air de répondre tranquillou, ça va ou quoi? Putain, j'y crois pas. C'est quoi son petit prénom? C'est quoi son petit nom? Arnaud. Comment qu'on l'appelle dans le quartier? Arnaud. Arnaud. Salut, Arnaud d'où? Du Haut-Rhin, 6-8. Du 60. Du Alsace. J'ai pas compris. 6-8. Ouais, 6-8. Haut-Rhin. Dans quelle ville? Jotheim. T'as quel âge, toi, Arnaud? Là, j'ai 17 ans depuis le 4 septembre. Ah bah, bonne année, fin en retard. T'es en quelle classe du coup? T'es en première ou en terminale? Terminal. Terminal quoi t'as fait? STI 2D. Ah bah vas-y, dédicace, hein, frérot. C'est la première fois que tu joues ou tu joues souvent, toi? Non, non, mais j'ai déjà gagné, moi, une PS4. Ah ouais? Ah, fort. T'as déjà gagné quand? 14 décembre 2014. Ah ouais, il y a deux ans. Putain, vous disparaissez les fichiers, quoi. Ah ouais. Mais en plus, je suis passé il y a pas longtemps, là. Je t'avais raconté une histoire avec mon pote, là, qui s'est fait électrocuter en cours de physique. Ah bon? Ouais. Attends, qui s'était fait électrocuter en cours de physique? Ouais, il avait mis les deux dans la prise, et après, il y en avait un qui était passé avec son appareil dentaire et tout. Ah oui, mais je me rappelle, ah mais oui, ça, c'était avant l'été, ça. Ouais, ouais. Ah ouais, moi, ça date. D'accord. Je suis passé pour deux sujets, mais enfin, bref. Quoi. Ah, tu parles de Huck. Mais attends, et tu joues souvent à l'émission ou... Ouais, souvent, ouais. Ah bah, comme quoi ça marche. Ouais, hein, bravo, mec. Je vais faire tourner, ouais. la roue des cadeaux, d'accord. On va voir sur quoi on tombe. JM du Sondin, si tu veux faire tourner de toutes tes forces, s'il te plaît. Il y a des iPad Air 2, des PS4 et des tablettes Samsung Galaxy Tab. Ah, ça y est. On va voir sur quoi ça s'arrête. Une tablette Samsung Galaxy Tab A. Eh bah, la tablette. Bravo. On t'envoie ça demain matin, d'accord, man. Ok, merci. Ouais. Ok, bah, de rien, tu rigoles ou quoi? Tu veux faire une dédicace? Dédicace à la terminale STI de Blaise Pascal de Colmar. Vas-y, y'a pas de problème. Et à tous mes potes qui peut-être me reconnaîtront, je sais pas. Vas-y. On verra. Vas-y, dédicace en tout cas, man. Merci beaucoup. Hein. Ouais, salut. Bon, quoi, dans quel bahut tu m'as dit que t'étais? Blaise Pascal. Blaise Pascal. Colmar. Ok, vas-y. Ouais. Blaise en Pascal 6-8. Représente, c'est les mecs de Colmar. Blaise Pascal, pas de problème dans le 6-8. Ouais. Je t'en passe Julia au standard, ok? Ouais. Ouais, merci. Allez, gros bisous. Salut. Il y a Ambre, ok, là. Ambre qui cache des trucs en couple. On va parler des choses qu'on a menti. En Corée du Nord, l'espérance de vie varie en fonction de l'humeur de Kim Jong-un. c'est triste, mais c'est limite vrai. C'est un peu triste, mais ouais. Avec Ambre qui est là. Toi, t'as 18 ans, Ambre. Ouais, ouais. T'es célibataire, t'es en couple, t'es comment en ce moment? Bah, suivant le sujet, je pense en couple. Ouais, ah bah ah, non, ouais, attends. Ouais. Truc qu'on peut cacher ça en couple. Moi, c'est par exemple, je vais raconter une histoire avec une ex, donc déjà, tu me prends pas de haut comme ça. Déjà, tu vas redescendre dans l'étage. Hein, tu vas redescendre dans le thermostat. Hein, hein, j'ai pas compris. Oula. J'ai dit, on se calme. T'es dans ta période où tu fais genre, t'es défoncé au shit quand tu parles. Comprends. Ah, tu comprends. Ah, je suis tout smoothie ce matin. Ça sert à rien en plus, ça, de c'est clair. Si elle fume pas, non. T'es fatigué? Fatigué. Ouais, fatigué. Il faut aller au moins jusqu'au bout des mots. Même si on est très fatigué, on est fatigué. Bon. Alors, t'as un mec depuis combien de temps là? Ça fait un an et deux mois là. Un an et deux mois, d'accord. Bien, ouais. Comment il s'appelle ce gars? Alexandre. Alexandre. Il est gentil, Alexandre? Ouais, il est trop mignon. Ouais. Il est beau, il est musclé ou il est tête de l'ours un peu? Il est quoi? Quoi? Il est trop kiki. Il est trop kiki. Ah, bah, kiki, c'est mignon. Bah, il a une tête de. Un peu ronde, genre. Ouais, vite fait, normal quoi. Petite tête de nounours, quand même, quand tu dis trop mignon. Ouais, c'est affectueux ça, oui. On sent que tu parles pas de Brad Pitt quoi. Ouais, il est trop mignon. Ah ouais. Quand même. Ah, c'est vrai. Ouais. On sent que tu parles de Laurent Ronac quand tu dis trop mignon. Et encore, il a changé. À la grande époque, Laurent Ronac à la grande époque. Ah ouais. Ouais. C'est un copique paradis. Non, c'est bien ça. Il s'est fait enlever l'estomac, non? Ah, je sais pas si opération, mais il a changé. Ouais. Quoi, il s'est fait enlever l'estomac ou quoi, non? Bah une hypostution en plus. Non, parce qu'il dit qu'il avait un nano. Il a fait un nano ou il a fait un régime et tout. Il a vachement maigri quoi. Ouais, il était mieux avant. Moi je peux faire. Ah, tu préférais. Ah ouais, franchement. Koé, tu préférais Rond que Ovalde? Bah Koé, non, je sais pas, mais Ornac, il est plus jovial avant. J'ai un stagiaire, il fait peur. Il des mecs, il me fait peur. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est pour lui. On l'embrasse, Koé. On l'embrasse. J'ai une journée. On est d'accord, ça fait 2-3 fois, il donne son avis sur des mecs de façon. Non, mais c'est ça qui est bizarre, il donne plus son avis sur les cums. Il y a pas de meufs qui font des régimes comme ça. Un avion qui a passé en couleur, il va dire Koé, comment il a maigri. Attends, mais pour lui, t'as une meuf qui vient de passer devant toi. Il est bizarre ce. Après, c'est moins flagrant, c'est sûr. Je vais te dire un truc. Oh, ça va. Il a un truc que je sens un vice caché. Il n'y a pas de vice caché, ça. Un trou de balle, un truc. Non, pas du tout. Grave. Un truc qu'on n'a jamais su. C'est pas grave, je l'aurais dit, mais. Je vais te dire, peut-être un vice caché dans le sexe. Ambre, il y a un truc que t'as jamais osé dire à ton mec. Ouais. En gros, c'est assez ridicule, maintenant. Et en fait, genre, moi. C'est nous qui allons me dire si c'est marrant, pas toi. C'est nous qui allons juger après, t'as Ouais, non, mais vous allez vous taper le marre. Mais en gros, je peux pas sortir de chez moi ou de quelque part, genre, sans avoir un smecta sur moi. C'est impossible. Un smecta, c'est pour la gastro. J'ai toujours mon smecta. C'était quoi qui était vraiment drôle, Ambre? On attend. Bah, c'est que, genre, je sais pas, genre, je peux pas me travailler sans. C'est le smecta qui est drôle. Ah, mais tu sais à quoi ça sert un smecta, j'ai stagiaire? Ouais, bah ouais, c'est pour la gastro. Ouais, c'est pour pas chier. Ouais, ça parce que toi, t'as toujours peur d'avoir une. Il y en a acheté aujourd'hui en plus. Une catastrophe merdique. Ah, c'est bien. Tu connais. Ça sort en fait. Bah, j'ai un stagiaire, il est malade là. Ouais, ouais. Un petit peu, petite gosse rouge. Voilà. Mais pas c'est pas le mec qui va, quand je vais lui tendre la main, il va pas me dire ah non, je te serre pas la main, je suis malade. Ah si, je l'ai fait à tout le monde aujourd'hui. Ah, tu m'as serré la main comme ah, ça non. Ah non. Ah bon. Non, c'est fait un petit coup au loin. Ah, c'est vrai. Je respecte. Ah, c'est sympa ça. Il faut. Et alors, vas-y, alors attends, raconte un petit peu l'histoire alors, Ambre. Pourquoi t'as toujours des coliques, genre, névrétiques? Non, c'est juste que je flippe tout le temps et tout. Je me dis, ouais, ça se trouve et tout, genre, chiate. C'est vrai? Je me fais dessiner et du coup, je peux pas sortir sans. Ouais, non, mais ça, c'est pas un mensonge de ouf. Au pire, tu vas faire caca. Hein. Après, ouais, non, mais c'est clair. Non, mais après, je comprends. Quand t'es une meuf, t'as pas envie d'avoir une grosse coulante chez son mec. Ouais, après, ça se voit. Après, tu caches l'histoire dans ton sac. Julia, il y a un truc qui t'arrive quand t'es en couple, de le cacher vraiment, de le dire à personne. Bah, ouais, en fait, moi, là, bah, c'est ce qui m'arrive en ce moment. C'est que, en fait, mon ex, je suis super pote avec lui. Sauf que ma meuf actuelle ne veut pas que je le voie parce qu'elle est un petit peu jalouse, etc. Elle est bisexuelle, Julia, c'est bien d'arriver. Ouais, alors que, du coup, moi, je m'entends trop bien avec lui et j'ai envie de continuer mon amitié avec lui. Elle veut pas du tout que je le voie. Une amitié avec une ex, ça existe pas. Ah, c'est non. C'est vrai. Franchement, on est super potes. Maintenant que je suis avec une nana et que lui, c'est un mec, franchement, il. Mais lui, il s'est mis avec un mec ou il s'est mis avec une meuf? Il a atteint que le truc, c'est le plan 3. Ah, bah oui, c'est vrai. Moi aussi, on n'est pas Julien. J'ai perdu 3 kilos en une semaine en faisant l'amour à ma meuf. Alors attends, on va en parler. Il a raison, je viens de stagiaire avec le Smeta. Ah oui. C'est abusé de faire une plusieurs fois, j'aimerais trop. Salut à toi. Salut Guillaume, je m'appelle Elisabeth. Je voulais te dire, quand j'ai fait soit partie en accident ou heurté un sanglier, bah j'ai fait les deux. J'ai pas compris. Ouais. Salut Guillaume, vous avez fait gagner deux fois le même mec, une honte. Alors attends, je t'explique, frérot. Déjà, tu peux jouer à une énigme en changeant de numéro de téléphone. Ouais, en vrai. Ouais, comment vrai, tu veux qu'on le sache, nous? Ah, mais réfléchis. On n'est pas la police. Hein. Réfléchis. T'as le droit d'être aigri et bête, mais réfléchis avant d'envoyer un message au moins. Et tu te dis, voilà, moi imagine j'appelle quelqu'un et je baisse quelqu'un au téléphone, je prends un autre téléphone. 6 mois après, même 2 ans et demi après, avec un autre numéro et j'appelle, et ben je dis, voilà, j'ai changé de numéro. Comment tu veux qu'on le sache? Et c'est limite une preuve que c'est en direct, bah oui. Et qu'on ne vérifie pas. Et que c'est pas truqué. Et que c'est pas truqué. Parce que si jamais c'était truqué, il y aurait comme par hasard que des gens qui répondraient réveillés, pas comme Rukaya. Tu m'entends, Rukaya? Ouais, je t'entends. Voilà, tu vois, il y aurait pas ça, il y aurait directement des gens qui feraient « Vous allez bien ?» Il n'y a pas toujours ça. Et donc, c'est preuve que c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Si c'était truqué, il n'y aurait pas Julien Stagiaire. Bah ah oui, ouais. Oui, bah après, il y aurait des mecs bons. Ah, ça c'est méchant, Guillaume. Ah non, mais c'est un exemple. Ah oui, l'exemple, il est bizarre. Mais c'est un SMS qui est arrivé. Moi, j'ai vu que le message. Pas vu le SMS, c'est bizarre. Moi, j'ai vu. Je me suis permis de lire. Oui, d'accord. Voilà, non, mais c'est vrai, il y aurait... Il n'y aurait pas JM au standard. Il aurait mis un autre poste. Bah oui. Il doit être bon quelque part. Là, ça fait 4 ans et demi qu'on cherche un poste. Ah ouais, on va trouver. Julia, bon, elle vient d'arriver. On peut pas encore la lyncher. Ça arrivera plus tard. Et puis, Flo des cadeaux. On aurait quand même pris un mec qui met des t-shirts corrects. Oui, donc c'est petit à petit. Hein. Alors, Rukaya, c'est quelle origine comme prénom, Rukaya? J'avais jamais entendu. Comore. Ah ben on en a parlé des Comores. Comme Soprano. Ouais. Très bien. Eh ben salut Soprano. Justement Laura, d'ici une dizaine de jours Soprano. Et on va se l'écouter, tiens. Soprano, c'est l'occasion. On va fêter les Comores. Voilà, c'est ça. Enfin, les gens d'origine comorienne. Les Comoriens. Comorien. Ouais. Avec Soprano, juste après. Qu'est-ce qui t'arrive, Rukaya, que tu caches en couple? Ben c'est pas vraiment moi, c'est ma tante. C'est ta tante? Pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, en fait, elle est déjà grand-mère et tout, mais elle suce toujours ton pouce. Ah ouais, bah il y a des suceurs. Il y en a plein, des suceurs. Ah ouais. Il y a beaucoup de suceurs de pouces. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai, on peut s'en rendre compte. Elle s'entraîne pour autre chose. Il y a un truc que tu caches quand t'es en couple ou pas? Bah ouais, moi, c'était les chaussettes, en fait, j'ai dit tout. Ah ouais, tu vois. Mais j'ai sucé mon pouce, il est de moins en moins intéressant. Ouais, je l'ai déjà dit. En fait, il sert de plus en plus de meubles. Mais non, je pas. En fait, j'ai mis son art en un an et s'est transformé en comedy. Non, mais non. Il a limite autant de discussions. Il sert juste à poser un bol sur sa tête. Mais non. Quand tu fais l'émission. Julia, attends, non, c'est bon, c'est fini. Non, mais j'ai sucé mon pouce. T'as vu le temps de parole? J'ai sucé mon pouce. J'aime du standard, je vais te dire un truc. Non, c'est fini. D'accord. Je vais te dire un truc, je vais passer sur toi comme un TGV. Ah non! À chaque fois. J'ai passé mon doigt à ton niveau et je vais passer après la suite. En plus, on sait faire la locomotive maintenant. Merci, j'aime ça. À chaque fois, je te poserai une question, t'auras 5 secondes pour trouver une bonne histoire ou je passe à la suite. Ah ouais, ça va être drôle ça. J'ai un stagiaire en couple, t'avais dit quoi, toi? Moi, j'espère de la fille. Je cherche son passé, les ex, tout ça, voilà. Est-ce qu'il y a un truc que vous cachez quand vous êtes en couple? Genre une branlette? Est-ce que vous allez coucher avec d'autres filles? Vous les filles, est-ce que ça vous arrive de vous toucher en scred, voilà? Ou alors est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une relation bisexuelle sans le dire à votre meuf? Vous êtes libertin. Vous les mecs, est-ce que vous êtes sorti avec d'autres mecs ou vous les filles avec une autre meuf tout en sortant avec un mec? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'une sorte de tromper en fait en mode bisexuel? Qu'est-ce que vous avez déjà caché en couple? Flo des cadeaux. Moi, ce que j'aime pas en couple, c'est juste après la pub.

Allez, jeudi, on aura Jeff Panaclock qui va co-animer l'émission avec moi. Soprano la semaine prochaine, justement. Nouvelle saison, nouveaux horaires. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Moi, je suis chanteur dans un cabaret, mais ma copine ne le sait pas. Elle croit que je suis simple serveur. Et le week-end, je suis obligé d'y aller en cachette. Il n'y a pas de honte là aussi. Je sais pas, c'est peut-être qu'il veut pas le dire, je sais pas. Ah ouais, c'est mignon. Moi, j'ai honte de me branler en ne pensant pas à ma meuf. Oh, bah, ça, c'est normal. Bah, là, c'est un peu tout le monde, je pense. Non, mais ça, c'est tous les hommes. Alors, et les filles, pareil. Hein. Non, les filles, attention, elles vont plus penser aux hommes. Elles n'assument pas, les filles. Ouais, peut-être. Le porno et de se toucher en pensant à un autre mec, elles le disent jamais. Ah, tu crois que. Bah oui, elles sont comme nous, malheureusement. Moi, j'avais déjà fait à mon ex, quand je faisais amour, j'ai dit vas-y, pense au mec que tu veux, ça l'avait excité de ouf. Éteint la lumière et t'imagines que c'est un autre mec. Et en fait, le fait de lui dire, ça l'a rendu. C'est pas que j'ai raconté ça. Ouais. Vraiment, c'est... tu l'as fait ça, JM du Standard ou pas? Jamais. Ça dépend, imagine, elle te sort qu'elle pense à son ex. JM du Standard, il fiste. JM du Standard, c'est un fisteur. Ouais, ouais, je pourrais faire, je sais pas, je le prends moyen. Imagine, elle te dit qu'elle pense à son ex. Ouais, bah. Faut pas le savoir. Qu'elle pense à un mec. Pas à son ex, mais je veux dire, voilà, pense à un mec au boulot. Ouais, grave. T'as le droit de penser à une autre personne, etc. Vas-y. Ouais, ça peut être marrant. Un beau gosse connu. En fait, le fait de lui dire, c'est hyper excitant. Vraiment, c'est libéré. J'aimerais bien participer à l'émission, mais le vigile me recale à chaque fois. Alors, attends, c'est qui le vigile? Il y a Flo des cadeaux qui répond avec JM du Sandin. C'est ni l'un ni l'autre, c'est des. Ils n'ont pas le charisme du vigile, quoi. Ah non, fais pas peur. Hein. Non, mais ça, c'est bizarre. On va faire le jeu des hôtels pour terminer dans 30 secondes. Hein, voilà. Et puis, Nelson qui vient d'arriver pour le jeu des hôtels. Il y a Nico, bonsoir Nico, qui a appelé là. 21 ans. Salut. Ça va, frérot? De Manille en Vexin dans le 9-5. Hein. Ouais, Val d'Oise. Ouais. Et bon, enchanté, Nico. T'as 21 ans, t'es en. Tu travailles, t'es étudiant, toi? Là, je viens de finir le boulot, là. D'accord. Tu fais quoi? Je travaille en usine, je fais de la production de pièces automobiles. D'accord. Pour quelle marque? Ça dépend, il y a du Toyota, il y a du Peugeot, ça varie en fait. D'accord, ok, bah vas-y, dédicace à tous ceux qui sont en usine et ouais, tout là. Bon courage. Quand je me caresse, je pense à mon patron, voilà, à toi. Bah s'il est beau gosse. Moi j'ai honte de me masturber en pensant à quelqu'un d'autre aussi. Moi je vais souvent aux putes et je le dis pas à ma femme, salut. Hein. Ouais. Guillaume, vous pouvez m'écrire un message, hein. C'est en anonyme, hein. On voit pas les numéros d'envoi. Ça arrive sur un système d'écran et il faut vraiment que vous me laissiez votre numéro dans le texto pour que je puisse vous rappeler, sinon je le vois pas. Guillaume et votre message là aussi 11-12. Voilà, Guillaume, un espace et votre texto aussi 11-12. Julia, t'as déjà. Quand t'étais avec un mec, tu t'es déjà doigté en pensant à un autre gars, ouais. On se pense à d'autres gars, ouais. Franchement, je pense que ça arrive dans tous les couples, ça. Ah même si t'es grave amoureux et tout, au bout d'un moment, tu penses quand même à quelqu'un d'autre en touchant. Ah, bah oui, bien sûr. Ouais. Bah ouais, obligé. Ah, mais même t'as besoin d'y aller après. Ouais, ouais. T'as besoin d'y aller, etc. C'est excitant, je trouve, en plus. Ouais, bah oui. C'est excitant de penser à quelqu'un d'autre, de dire peut-être qu'il peut se passer d'autres choses. Mais avec même en couple, il y a beaucoup de filles qui pensent. Mais il faut en parler. Il y a beaucoup de filles qui pensent à d'autres mecs. Moi, ça m'arrive souvent quand je suis un peu en dragouille et tout. Je dis, vas-y. Tu penses à la figure. Est-ce que t'as déjà pensé à moi sur l'amour avec un mec et tout? Je dis oui, ça arrive. Elle te dit oui. Ouais, bien sûr, ça arrive. Ah ouais, c'est bien, c'est libéré. Ça. Elle me dit, bah même ce soir, je vais coucher avec lui, je penserai à toi, etc. Et je pense qu'elles le font vraiment. Ah ouais, si, si, si. Ça, c'est chaud. Ah ouais, pour lui, pour le mec, c'est chaud. Je sais. Et même des filles avec qui je suis resté longtemps. Et tout ça, c'était genre avant de sortir avec moi, j'ai une meuf en Belgique qui est sortie avec un autre mec et couchait avec lui, pensait déjà à moi à l'époque. Ouais. Ah ouais. Parce que je l'ai croisé au boulot et tout ça en Belgique, c'est marrant. Hein. C'est fort ça. Salut Guillaume, et votre message au 612, hein, on se raconte un petit peu les histoires. Est-ce que ça vous est déjà arrivé pareil d'avoir un truc en couple et pas vraiment le dire, hein? Toi, t'as déjà caché un truc important, Julien, en couple? Bah, ça, le truc du meilleur ami, sinon un truc pourri, c'est que je me mouche tous les soirs et que je veux pas qu'elle voit et que ce soit dégueulasse. Voilà. Ah, c'est vrai, un peu comme le truc des toilettes de tout à l'heure. Et tu vas au chiot exprès? Ouais. C'est vrai? Ouais, franchement. Avant de te coucher? Ouais, maintenant je vis un peu avec elle et tout. Donc, Ah ouais, c'est vrai. Et quand t'as le rhume alors? Ouais, c'est pas grave, un rhume. De quoi se moucher, c'est pas très grave. Ouais, mais bon, genre après, péter c'est pas ou roter, c'est un peu plus crade. Non, je veux rester sexy devant elle et tout. Ouais, tu veux rester sexy devant elle? Ouais, mais coucher, ça va. Non, ça. Excitant, j'aime ça. Des fois, je pense comment mes profs baisent, c'est chelou. Ouais, tout le monde là. Moi, je sodomise, je viens stagiaire, ma femme le sait pas. Moi, je le sais pas non plus. Désolé, me rappeler les choses, je vais même plus me branler parce que je pense à ma famille, c'est dégueu parfois. Ah putain, chéché du 7-7. Tu penses à ta famille? Salut, laisse ton numéro si tu veux, Géché, hein, ouais. Tu nous racontes. Hein. Ça, c'est horrible, hein, quand t'as une lubie comme ça et que t'arrives plus à penser à quelqu'un d'autre que à ta mère ou à ton père et quand tu te branles. Genre le portable, il vibre. Et en fait, tu te dis, faut que je pense à autre chose et le fait que ça, c'est horrible. Ça. Oh là là. Et toi, Nico, qu'est-ce qui t'arrive, Nico? On se racontait les fois qu'on n'avait pas dit à quelqu'un d'autre. Alors, moi, j'ai une histoire assez incroyable. Ça peut arriver à tout le monde. En gros, c'est simple. J'ai voulu tester de savoir si faire l'amour à sa copine, en gros, pendant un certain nombre de temps, et pas non-stop, mais plusieurs fois par jour et pendant une semaine, ça marchait. Et en gros, pour moi, ça a marché, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Ouais. En général, que moi, pour moi, ça me le faisait. Je sais pas si ça vous le fait pour vous ou si ça le fait pour tout le monde en général, mais quand je fais l'amour, généralement après j'ai faim ou j'ai envie de boire n'importe quoi. Oui, bah ça c'est normal. Ça. Ouais, c'est vrai, moi, voilà. je vais boire direct et aussi. Non, première chose que je fais, qu'est-ce que tu fais, je vais stagiaire, quand tu jutes dans la meuf. Attends, première chose que tu fais, vraiment, t'es sur elle. Ouais, tu viens jouir, qu'est-ce que tu fais? Moi je lui dis merci. J'essaie de donner un billet entre les. Oh Guillaume, respecte les meufs avec qui je suis. Non, mais j'ai pas la meuf. Non, je dis t'as aimé, merci si elle a kiffé. Merci. Ouais, après je vais. Il lui donne son tarif. Non, c'est pas des meufs que je paye. Il passe à la caisse, à la mère Macrène. Non, mais c'est romantique de dire merci. Il la ramène au bois. Je la ramène au bois. Mais arrête. Vas-y, je dis merci parce que ça a été un bon moment, tu vois. Un bon moment, c'est le spectacle là. T'as partagé. Le spectacle de Jeff Panacle. T'as partagé un moment intime avec une fille pendant un quart d'heure, une demi-heure. Je lui dis merci, moi je dis pas merci. Alors, non, je lui dis c'était génial. Ouais. J'ai trop aimé. Ah, merci, ça veut dire c'est classe. Merci, ça fait un peu genre. On me l'a déjà dit, je le dis. Ça fait un peu. Genre, alors cherche une des deux. Non, ça fait un peu service quoi. Ouais, ça fait. Ah ouais, mais c'est la dernière fois. Merci. Et tu dis merci, après qu'est-ce que tu fais? Après, j'ai cherché à boire. Genre, tu sors ta tub. Ah ouais, je sors ma tub. T'as du musper partout. Ouais, mais je l'enlève à la main. Et je m'enlève à la main, je m'en fous. Elle va se doucher. T'enlèves quoi à la main? Le musper, je m'en fous. J'en ai un petit peu. Moi, ça me fait chier d'aller dans la douche ou quoi. J'ai pas le temps à perdre. C'est vrai. Ouais, ça, je prends dans la douche après. Et après, je vais boire. J'ai trop soif après. Voilà. Non, mais genre, tu prends pas un sopalin? Un sopalin là-bas. Attends, j'ai le sang. Ouais, non. Moi, je me penche, j'attrape un mouchoir. Je n'en ai jamais dans ma chambre. D'abord, j'en donne un à la fille. Voilà. Pour que c'est celui-là, mon mouton. Exactement. Après, la douche. Mais tu le mets où le musper? Mais sur la main, et puis après, je vais chercher à boire et je me lave la main dans la cuisine. Après, il se coiffe. D'accord. Mais tu bois avant de te laver la main. Non, mais je fais tout en même temps dans la cuisine. C'est un deux en un, c'est utile. James, qu'est-ce que tu fais après? Dès que tu. Ça fait pitié, merci, je n'abuse pas. Bah non, j'abuse pas. Moi j'ai des relations avec putes et gays alors que je suis en couple. Avec putes et gays. Eh bah laisse ton numéro, tu viens de raconter des putes et gays, y'a pas de problème. La brunette quand c'est trop plein. Moi j'ai fait de plus en plus de rêves où je baise avec ma mère et j'ose pas le dire à ma meuf. Ouais. Wow. Pour qu'elle me prenne pour un mec bizarre. Ah bah ça, ouais. J'ai couché avec un mec, ma femme ne le sait pas. Laisse ton numéro, frérot, on va t'appeler, c'est marrant. Et même si vous voulez pas dire votre vrai prénom, vous changez de nom et tout, et vous nous racontez un peu. C'est intéressant pour ceux qui se posent la même question et tout. J'aime du standard. Ouais, moi, si ça fait longtemps que je suis avec la fille et qu'on n'a plus de capote, ben, pareil, tu vois, je prends un sopalin, je lui donne directement. Après, je vais. C'est un peu nul. Je vais boire un coup, alors je vais pisser. Vous êtes câlin après. Moi, je suis pas très câlin après. Non, moi non plus. Et souvent, les filles me le disent, putain, voilà, t'es pas câlin. Pareil, il faut faire des papouilles pour les papouilles. Pas les papouilles. Calène. Il y en a qui dit je vais stagiaire pour l'amour, il enlève la capote de ses fesses. Non, c'est drôle. Il met une capote féminine dans les fesses. Je j'ai jamais essayé ça. Je vais dire quand il a juté, il replie le sopalin. Moi, je me branle dans les chaussettes. Laissez votre numéro. On va vous appeler demain parce que vous êtes très nombreux à nous appeler. Et j'ai pas compris alors ce que tu voulais, au-delà où tu voulais en venir, Nicolas, du coup. En gros, moi, je bouffais tout le temps genre un gâteau et je buvais toujours des sodas après. Oh, et... Ouais. Et après, moi, la technique que j'ai donnée, par contre, après, quand on fait l'amour, faut y aller hardcore aussi. On fait pas, tu vas doucement, c'est vraiment tu vas à fond, plusieurs fois par jour. Ouais, c'est mes mentir. Ouais, non. Et en gros, t'avais perdu 3 kilos, c'est ça? Ouais, en une semaine. Et pour ça, la technique, c'est juste, tu prends un fruit, une banane, une pomme, et tu bois un verre d'eau. Et franchement, pour ceux qui veulent essayer, par expérience, je vous dis que ça marche. Attends, mais c'est quoi, c'est une vanne, c'est un conseil de régime que t'entends de donner pour baiser? Non, même pas, mais c'est un truc comme ça, je voulais raconter, c'est une expérience. Non, mais c'est clair, et t'as perdu combien de kilos, toi? 3 kilos en une semaine, simplement. Ah ouais. Ouais. Je viens de te dire aussi, pas de 3 kilos. Non, mais peut-être qu'il a fait ça, Ournac. Je viens de te dire, c'est complètement vidé. Ouais, non, je passe pas que Ournac, Okoé, on fait que 4. Ah, ils ont dû y aller avec les filles, mais après, je sais pas. Parce qu'il y a eu d'autres. Ouais, mais tu vois, c'est un régime. Je viens de te dire, lui, il a perdu 3 kilos aussi aujourd'hui. Non, aujourd'hui, oui. Je me suis vidé. C'est vidé, quoi. Bon, et je vous fais un gros bisou. Nico, on peut attraper demain ou pas pour raconter le truc là? Pour relancer le truc. Parce qu'on va en parler demain, parce que vous êtes très nombreux à vouloir en parler. Je compte sur vous, les mecs. Laissez-moi vos messages. Je vous appellerai demain après-midi à la cool. Guillaume et votre message au 6-11-12 en France. Et en Belgique aussi. Et en Suisse, pareil. Ouais. Guillaume et votre message aussi 112. On se retrouve demain, j'ai pas vu l'heure. À demain, à partir de. On a commencé tard, on a fini tard. Ouais. À demain, j'ai stagiaire. À demain, Guillaume. Bonne nuit, Jim Sondard. Bonne nuit, Julia. Bonne nuit, Flo des cadeaux. Bonne nuit, Guillaume. Et les potos, bon courage pour les cours demain. On se retrouve à partir de 22h, minuit, comme d'habitude maintenant. Et puis, je vous laisse avec Mickaël qui est là normalement. Tu m'entends, Mickaël? Oui, comment ça va? Voilà, très bien. Ah, bah très bien, écoute, ça va. Hein. On est déjà passé en horaire d'hiver. On me dit merde, putain, on m'a pas prévu. Attends, on a cahier des charges, on a plus que 2 heures. Quoi, il nous rend 22h10. Ah oui, mais si j'y peux rien, moi. Si elle est musique, les mais tu sais, c'est toujours le mec à la fin qui trinque. Hein. Ah ouais, ça se trouve. Moi, techniquement, je suis au début, à minuit. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Techniquement, techniquement. C'est bon, ça, je suis à peu près en sandwich entre voilà, deux et ouais, toi. Je me sens un peu étriqué. D'habitude, c'est JM du standard. C'est vrai. T'as vu, je t'aide là-bas. Mais bon, Marseille n'a pas gagné, je le lâche. Marseille n'a pas gagné. 0-0, ouais, match pourri. C'est normal. Quand ça, ce soir là? Hier soir, ouais. Ah, hier soir, ouais. Ouais. On sait pas. Ça arrive même au meilleur, hein, JM. Hein. Bah oui, pas de problème. T'es gagné. Tu crois que c'est le réservoir partir ou pas, JM? Non, non. Franchement, on a une équipe, elle fait peur, je te jure. Non, ah, tu crois pas? Ah ouais, non, c'est impossible. Même le repreneur, il y a que deux joueurs qui t'aiment. Alors si JM du standard commence à dénigrer Marseille en début de saison, pourtant, je risque d'aller au stade dimanche. Pourtant, on est que le 17 septembre, je vous rappelle. Non, mais ça va aller, ils vont se réveiller, JM. Ça va aller. Bah, ils sont moi. J'espère. Ah, tu vas au stade? Au moins, Paris, première partie de tableau quand même. Ouais, au moins ça, après, j'espère au moins ça pour eux quand même. Attends, JM Sandra, pourquoi tu vas à Marseille là du coup? Et je fais mon anniversaire, Guillaume, les 30 ans. Ah bah oui. Ouais. J'espère que Mickaël et Toff vont t'acheter des cadeaux. Bah ouais, et toi tu vas offrir quoi? Bah c'est pas ton anniversaire donc je t'offrirai. Qu'est-ce qu'il est con lui alors? Je vais demander à Guillaume ce qu'il allait offrir à JM. Qu'est-ce qu'il est agressif, ce JM? Ça c'est Marseille ça. C'est non mais il a là, depuis qu'il a 30 ans il est sur les dents. Là c'est vrai. Je suis tendu. C'est pas je suis tendu, c'est je suis tendu. Ah ouais là il est tendu hein. Non, c'est une bonne question, je sais pas le cadeau que je vais lui offrir encore. Ah ouais, je sais pas. J'ai même pas pensé. Ah du PSG, c'est important. Ah bah ouais. Du PSG, ça va lui faire du bien. Ah non, ça va aller. Ou une meuf avec le t-shirt du PSG. Une nuit avec une femme. Je vais essayer. Non, ça on a pas dit. Je vais stagiaire avec le maillot. Je n'achète pas les services d'une femme. Ah ouais, OK, moi je vais aider. Respecte un peu les femmes. Désolé les femmes. Je suis sur bonnemeurs.com, je parle pas de ça. Bon allez mec, à demain, on en parlera du cadeau. Ouais, ça roule. On a encore 3 jours pour trouver une idée. Alors on a 3 jours. Oh, ça va aller, ça va aller. Allez, à demain. Allez, ciao ciao. C'est la rentrée, c'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout claquer. T'es fatigué. Fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Je t'ennuie déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, y'a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Eh bah oui, on est là. Bonsoir tout le monde. Bon, minuit 10, ce soir on est un peu à la bourre. Hein. Pas de notre faute pour le coup, mais un peu à la bourre quand même. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On est de retour, deuxième émission de la semaine. Bah oui, la première étant hier, c'était de 20h à minuit. On est de retour donc de dimanche de 20h à minuit et tous les soirs de la semaine de minuit à 4h du mat. On va déjà se mettre du lourd puisque je vous rappelle qu'il y a toujours le double hit avec 21 Pilots enchaîné avec Nash. Et du coup, ça veut dire qu'il y a l'iPhone 7 à gagner avec le jeu FIFA 17 sur PS4 et il y a aussi des places pour le concert de 21 Pilots, mais ça faut jouer au double hit. Vous envoyez Mickaël espace double comme double hit et votre numéro de téléphone au 612 dès que vous entendez le son de 21 Pilots enchaîné avec Nash. Ça passera peut-être ce soir, peut-être demain dans la journée chez Manu, chez Cash, chez Double, on verra bien. Ça pourra passer, ça pourrait passer à tout moment. Il y a Caro sur le Twitter dès le début avec le hashtag Mickaël qui dit bonsoir l'équipe, trop hâte de vous écouter et rire avec vous ce soir. Ben on est là Caro. Jus aussi pour bien finir la soirée, on écoute juste Mickaël, toujours parfait avec vous. C'est gentil Juju et Amandine aussi. Coucou mes amours, vous avez passé un bon week-end? Salut. Bah écoute, nous il s'est fini hier hein, puisqu'on a commencé notre semaine hier soir. Ça. Mais sinon plutôt à la cool, voilà. Bah en tout cas la journée s'est mal terminée par rapport à comment elle a commencé, on va dire. Parce que je suis arrivé à la radio, j'ai vu les gueuletoffes. Désolé, c'est le plus dur. Comment finir la journée quoi. Ah bah oui, non mais attends. Je le vois, il mais était c'est là. C'est pas vrai, c'est ton kiff. Arrête un peu ton cinéma. Tu es pressé de me retrouver. Je n'irai pas jusque-là, non. Il y a Amina qui est là également en pleine oui, forme. Oui, très très bien. Passez une bonne bien. Journée. Oui, ça va. Il y a un mec qui a pété un pont dans le métro aujourd'hui, mais ça va. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a sorti son déo et il a commencé à asperger tous les wagons. Ça va, c'est mieux ça qu'autre chose. Ouais, mais je pense qu'il aura pu sortir ça vite. Arrête. Bah quoi, c'est vrai? Bah oui. N'importe quoi, c'est interdit. Bah oui, non, et alors? Moi j'ai vécu un truc, le mec il s'assied, donc il ouvre son journal et là il commence à pisser. Ah, l'horreur. Et tu Et tu sais, comme le métro était en montée, tu vois la piste qui commence à couler dans le wagon jusque derrière. Il y a que des cassos, hein. C'est clair, putain. Polo, passez une bonne journée aussi. Ça va, aucun problème dans le métro. Je me suis baladé comme ça pour sauver la veuve et l'orphelin. Bien évidemment. Et puis j'ai trouvé personne à sauver. Non, quel dommage. Bon, on se fera le chéri, je peux te faire cocu aussi ce soir. Si vous voulez participer, que ce soit au chéri, je peux te faire cocu, au Menteller, elles adorent qu'on leur mente, ou au canular du jeudi, ou même au jeu Camina à trouver, je tiens à rappeler. Merci pour ton ex, c'est le mercredi. Voilà. Si vous avez envie de jouer à un de ces jeux et repartir avec une Xbox One, avec une tablette Samsung Galaxy Tab A par exemple, eh bien vous pouvez appeler Seba au standard, dit l'espagnol, dit le parasite, dit Alaise, dit Tartuffe. Vous pouvez l'appeler au 01 40 71 5000. Venez nous rejoindre aussi sur Facebook, Twitter, Instagram. C'est sur MIKL officiel. On va s'écouter le son de Cachemire tout à l'heure, ça va arriver avant 1h du matin. Il y aura Charlie Pousse. Allez, c'est Ena Gomez, sur un Nicky Jam. Et je vous mettrai le son également de Parakeet. Voilà, donc si vous voulez discuter avec nous aussi, donc 01 40 71 5000. Et je voulais savoir, tiens, est-ce que vous avez déjà triché un examen ? Amina, toi, tu dois être la reine de la triche, là, non ? Bah franchement, jamais. Non ! Quasiment jamais. Ah, quasiment ! On y est. Quasiment ! Allez. Donc t'as triché. Une fois en allemand, parce que c'était vraiment catastrophique. Et allemand. Achtung ! Ja ! Sprachen Sie Deutsch ? Natürlich. Sprachen Sie Deutsch ? Ja. Non, Sprachen Sie. C'est pas Sprachen Sie ? Sprachen Sie. On va pas se mentir, la veille du bac, j'avais acheté une méthode pour débutants et laisse tomber. Ça niveau marché. Zéro. Ah ouais, d'accord, ok. Vraiment. Eh ben on y croyait, hein, tant pis. Hein. Top, t'as déjà triché un examen quelconque ? Aux examens, jamais, mais par contre pour les contrôles, ouais, si souvent. Ouais. Contrôle, ouais, les petites interros, ouais, ça. Ouais. Les petites interros, les petits trucs, mais les examens, jamais, non. Ah d'accord, parce qu'à Toulouse, lors d'un examen pour devenir avocat, donc. Bel examen, tu vois déjà, hein, c'est pas un petit examen à la con quand même. Et ben, il y a des étudiants qui ont pas besoin de trouver une façon de tricher originale, hein, puisque le corrigé de l'examen était dans la copie. C'est abusé quand même. Attends, c'est sympa. C'est facile. C'est génial. Pas, on te met tout à dispo. Bon, non, malheureusement, mais... l'examen a été annulé. Hein, scandaleux. On peut plus tricher tranquillement maintenant. Vois, c'est scandaleux. Mais ça, c'est arrivé souvent en contrôle. C'est-à-dire que toi, tu révises, donc tu t'as anticipé le truc, tu travailles et on annule ton contrôle. Ah ouais. Tu vois, à cause de ça. Exactement, la rage, quoi. Bah ouais. Ceux qui ont travaillé. Donc venez nous dire si vous avez déjà triché un examen et comment est-ce que vous avez fait surtout. 01 40 71 5000. Vous envoyez également Mickaël et votre message au 6 11 12. Et puis, ouais, c'est comme Toff. Ah si, j'ai fait un jour un examen de maths. Ah. Ouais, mais sauf que j'avais fait de la merde. Mais j'étais con. Hein. J'avais pris les antisèches que j'avais foutu dans ma chemise. Parce que tu sais, t'as une espèce d'ouverture dans ta chemise dans la manche. Ah ouais. Et du coup, tu mettais ça là-dedans comme ça. J'avais calculé, ça a fonctionné. Hein. Si tu te fais gauler, alors oui, t'as triché. Tu lèves tes mains, tu dis non, tous les antisèches tombent dans le coude. Et bon, bah effectivement, il n'y a rien. La prof, elle va pas te forcer à te déshabiller. Sauf que comme un idiot, en fait, j'ai voulu changer l'antisèche de côté. Et bam, tout est tombé. Oh la honte. Le drame. Zéro. Tu t'es fait arrêter? Ah bah oui, bah arrêter. Il a été conduit en prison. Une obsession. Il a été en garde à vue. Je viens de sortir, j'ai pris 15 ans là. Hein. 72 heures. Je viens de sortir. Hein. Bon, 01 40 71 5000. Il y a James qui est avec nous également maintenant. Salut James, comment ça va? Donc, salut, comment ça va? Bien? Ça va, tranquille. T'as déjà triché un examen ou pas, James, toi? Oh, moi j'ai passé mon temps à tricher, moi j'y même pas. Ah, et t'as mal fini? Non, la plupart du temps ça allait, j'étais assez discret. Mais une fois, je me souviens, j'avais triché, moi toujours mes pompes, je les mettais entre mes jambes au niveau du siège parce que la prof, toujours elle passait, elle regardait dans la trousse, où elle restait derrière moi pour voir si je faisais des gestes ou pas. Donc toujours je faisais ça discrètement. Et une fois, mais à force de faire des pompes en fait. Ça me permettait d'apprendre. Donc en fait, ça m'aidait plus qu'autre chose, ça me rassurait plus qu'autre chose. T'appelles ça des pompes ? Un jour, j'avais eu la meilleure note pendant un contrôle surprise de vocabulaire. Ouais. La prof, elle me dit d'aller directement au tableau, mais sans me rendre la feuille. Et elle me dit, comme tu connais bien, donc tu vas faire directement tout le vocabulaire au tableau. Et bref. T'étais dans la merde, quoi. Ça a été. Ça a bon, été. Très bien. Mais, bon, c'est déjà ça. Ouais, souvent c'était chaud, ouais. Souvent, bon, c'était chaud. Attends, James, bouge chaud. Pas, on va en parler plus en détail dans un instant. Reste avec nous. Vous bougez pas non plus, vous qui êtes derrière la radio. Si vous voulez passer en direct à l'antenne, 01 40 71 5000. Et on va se mettre le son de tiens, 21 Pilots. Si vous entendez le son de Nash juste derrière, faut envoyer Mickaël et votre message. Enfin, Mickaël, double, et votre numéro de téléphone au 6 11 12 par SMS. Même numéro pour la France et la Belgique. Il y a un iPhone 7 et FIFA 17 à gagner. Je vous dis pas que c'est maintenant, mais ça pourrait. 21 Pilots, c'est maintenant par contre. Take it slow. Wait.